Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne juste après Difool, 100% rap français, il est de retour. Ça faisait un moment au micro de Skyrock, hein. C'est ça. Bonsoir tout le monde. J'ai pas compté, mais monsieur Sacco est là avec nous. Ça va bien, Sacco? Ça va, impeccable. Sacco. Merci de me recevoir. Eh ben, c'est un grand plaisir puisque, en effet, tu reviens dans le rap même si tu l'as pas totalement quitté, hein. Non, en fait, je me suis attelé à un projet qui m'a beaucoup pris de temps et voilà, maintenant on est là. C'était un peu plus long que prévu, mais on n'a jamais été bien loin. Bon, et ben, tu vas nous parler de ce projet, revenir aussi un petit peu sur l'historique pour ceux aussi peut-être qui vont te découvrir, ou ceux qui vont se rappeler des grands souvenirs avec ce morceau. C'est vrai qu'on t'a connu avec ton groupe qui s'appelait Chien de Paille, hein. C'est ça. Sur la bande son de Taxi. Exactement, c'était en 98. C'était 98 déjà. Bah ouais, ça fait bientôt 20 ans. Croyou, ça défile. Avec ce morceau incroyable qui s'appelait Maudit soit les yeux fermés. Je me souviens de cette version Skyrock qu'on jouait aussi. Ouais. Bah, d'ailleurs, qui a été le titre qu'il a été grâce à vous aussi, puisque c'est vous qui l'avez suffisamment mis en avant pour qu'il devienne ce qu'il a été. Et puis différents projets aussi au sein de Chien de Paille. T'as écrit aussi pour beaucoup de gens, Sacco. Ouais, un travail de parolier qui s'est fait avec le temps, en fait, puisque moi c'est Akhenaton qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis pendant 10 ans j'ai travaillé sur ses labels d'édition et de production. Et puis il m'a mis le pied à l'étrier aussi du travail de parolier. Et donc on a travaillé pour des artistes comme Angoune, Amel Bint, Julie Zenati, pas mal d'artistes de chansons françaises, des comédies musicales. On aura le temps d'en reparler dans l'émission, mais une petite diversification sympathique. Comme quoi il y a une vie après le rap aussi. Aussi, et en même temps que le rap, ouais. Et en même temps que le rap. Après, c'est franco-français de se dire qu'on fait qu'un truc et il faut faire qu'un truc et pas autre chose. Juste en rappel, rappelle-nous, parce que toi t'as quand même une histoire un peu aussi incroyable par rapport au, justement, avant d'arriver sur la bande son de Taxi. Ouais. Avec ton pote, t'avais monté donc un groupe qui s'appelait Chien de Paille, hein. Ouais, même pas, on avait même pas. Même pas, il y avait pas de nom, ouais. Ouais, on faisait du son pour faire du son et puis, on est originaire du 06. Mmh. Et puis, de Cannes, donc. Et voilà. Et puis pendant le festival du film de Cannes, on a rencontré Akhenaton dans une soirée par le plus grand des hasards. On lui a dit que nous, dans la région, s'il y avait quelqu'un dont on aimerait avoir l'avis sur ce qu'on faisait, bah, c'était lui. Il nous a dit, bah, écoutez, moi, dans quelques mois, je vais repasser avec la tournée L'École du Micro d'Argent. Donc, ça remonte à 97. Mmh. Faites une maquette d'ici là, faites-moi écouter. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. Donc, en maquette, il y avait quoi comme morceau? Il y avait 3 titres tout pourris qu'on n'a jamais gardés, mais qui, lui ont fait sentir apparemment qu'il y avait un petit truc. Donc, il nous a demandé de revenir chez lui un mois plus tard et il nous a dit, voilà, j'ai un projet à vous proposer, je monte une maison d'édition, je voudrais vous signer. Et nous, pour nous, ça n'avait aucun sens, ça voulait rien dire, signer, tu vois. Moi, je lui ai juste dit, ok, est-ce qu'on va pouvoir faire un vinyle kiff-kiff? Ah ouais, parce que toi, c'était vinyle, ouais. Je voulais faire un vinyle kiff-kiff, tu sais, c'est des vinyles tirés à 300 exemplaires, ouais. Qu'Imhotep, le concepteur d'IAM, produisait. Moi, pour moi, c'était le Graal. Et donc, lui, il a éclaté de rire. Et je lui avais amené un morceau qui n'avait qu'un couplet à l'époque, qui était pas terminé. Il entend ce morceau et puis il me dit, tu vois, celui-là, tu vas le finir, tu vas faire le deuxième couplet, je vais faire la musique. Et là, on va le mettre sur la BO d'un film qui est une comédie. Comme il est assez sombre, ça fera un bon pied de nez. Et on va commencer comme ça. Mais il m'a jamais dit quel film c'était, il m'en a jamais dit plus. Moi, j'ai dit surtout pas. Moi, je veux venir en studio avec toi, je veux voir comment tu travailles et tout. Il me dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Donc, dans 15 jours, on est en studio, on enregistre. Et 15 jours plus tard, on a enregistré donc ce titre-là. On dit sur les yeux fermés, sur la BO de Taxi. Et près de 20 ans, tu continues dans la musique toujours, t'écris, tu bosses et tu reviens aussi avec un nouveau projet. On va en parler évidemment ce soir. Mm-hmm. D'ailleurs, tiens, il y a un petit truc marrant, c'est si vous allez sur le Twitter de Sacco, c'est le @Sacco, S-A-K-O. @Sacco, ouais. Ça, il t'a mis une photo en fait. J'ai mis une photo, il y a une photo qui là. Va vous paraître un peu louche, elle est floue. En fait, on va vous demander de la retweeter un maximum jusqu'à la fin de cette émission et on aura une grosse surprise pour vous à la fin de l'émission. Donc à la fin de l'émission, vous balancez un max de RT, hein, comme on c'est dit. C'est ça, un max de RT sur et, le compte. Et surprise avant la fin de l'émission avec Sacco. Et pour se remettre directement dans le son de Sacco, on va repartir d'entrée de jeu avec la bande son, parce que ça aussi c'était important avant Taxi, il y a eu aussi comme un aimant. Et c'était juste après. C'était après, pardon. C'était après. Ouais, c'était après. Et ça a été un titre aussi qui a été marquant pour nous. C'était notre premier titre où on choisissait tout jusqu'à Z. Et puis c'est une composition de Bruno Coulet, le grand musicien classique. Voilà, ça a été un premier pilier important dans mon parcours. Bon bah tu nous as ramené une sélection, on va se replonger dans la discographie de Sacco, voyage dans le temps. De Chien de Paille. Et là ce morceau était sur la bande son de Comme un aimant. On débute avec tout de suite Sacco. Passion lézardée, érosion des années. parents désarmés se séparent. La maison désormais résonne de leurs paroles désolées. Une part d'ombre scellée pour ne pas rompre et sceller. Chaque jour ma mère se bat, elle a le monde à soulever. Sur ses joues tant de peine nave. Goût amer, je pars quand la foudre en elle parle. Pardon de me sauver. J'ai mal de voir ce qui m'attend, grand besoin de souffler. Pas le cran de la retrouver, la tête dans les mains en quête d'éléments. De raison de garder les rangs. Je suis de ceux qui traînent tard à squatter les bancs, tel le fer élément. Ma vie se fait de ces moments où on est mieux loin de chez soi. Moment d'éternité, l'éternité est un moment. Mais on l'oublie l'un de ces soirs où on mal de trophée. On refait le monde, loin des bras de Morphée. Le cœur en plein stam, gros les cœurs en plein stade. Mais peu importe, le décor sans qu'on s'installe. Entre stage et intérim, en soi rien de terrible. On stagne là où des petites filles, déjà petites femmes. Charme des hommes encore mômes, fans de Jackie Chan. Pendant que des femmes encore petites filles élèvent des mômes. Déjà durs comme des hommes. J'espère en l'espoir perdu sur les cendres de nos sorts. Que leur voix innocente ne se joigne à l'ensemble des perdants que nous sommes. D'autres voyants sans songe s'en vont se noyant dans leur sang. L'eau passe sous les ponts. Il me semble qu'il y a encore ma mère m'embrasser sur le front. Sur un banc, rien d'autre à faire. J'ai pas choisi de réduire mon monde à ce banc comme Escobar à Medellin. C'est parce qu'elle spleen, c'est parce qu'être mine. C'est le récit de mes nuits blanches dans la cohue. Déjà communément connu des gens du genre. Comme une légende des gens collés au banc du genre. Comme un aimant. Une lettre à la main où les miens se laissent être. Ce coin de terre maigre où les chiens me perdent. Je profite de l'instant là où les chemins viennent se perdre. Serein devant cette lettre dont je sais rien. C'est peut-être tout et n'importe quoi. Mais ne rien savoir laisse une touche d'espoir rare à notre endroit. Entre autres en bas j'en ai marre de perdre. Cette lettre une part de rêve dans ce pâle réel. Un poumon quand pour mort mon esprit manque d'air. Que trop de marques pencilis sur ma face. La peur qui rien me harcèle adhérer en ville. Jusqu'au matin de nouveau vivre m'enivre. L'entrain rince mon cœur vide d'envie. Tous ces talents sur mes lèvres. Leur coin surélève. Le déçu se relève droit dans l'arène. Comme un roi devant sa reine et les fauves morts. Putain, sans ressurgir d'affreux morts, de leur formule. Innocence, je rêve, cette lettre, ma charge de revanche. Quand tout s'acharne sur les gens, comme le hasard sur mes chances. Pour notre passage, prenne un sens. J'ai pas la harme de naissance, je rêve de fuser dans ma jeunesse à grandes mains. Je puisse prendre des bons chemins, une brise patrimant comme tout stream. Pour des miettes en guise de part, mais le rêve est mon vice. La vie se marre quand ses fils marnent. Lisant la lettre, je réalise sa justice vaut autant que celle des hommes. Au dépend de ceux de ma zone, on se débat tous dans ce monde. Mais on est tous seuls, ensemble, je te jure. Je resterai qu'un arracheur de sac aux yeux de ceux dont la vie n'est autre que la vie des autres. Tu baisses pas, c'est la tête, peu d'idéaux, mais les idéotes. Adieu, le ciel reste en fer confortable. En fin de compte, quand on regarde combien monte, combien tombe, inutile de le dire aux gosses. J'ai pas choisi de réduire mon monde à ce point comme Escobar à Medellin. C'est parce qu'elle spleen, c'est parce qu'elle mine. C'est le récit de mes nuits blanches dans la cohue. Déjà communément connu des gens du genre. Comme une légende des gens collés au banc du genre. Comme un aimant. Sur un banc, rien d'autre à faire. Sur Skyrock. Turne. C'est la rentrée, le ciel se voile comme d'hab. Du placard on sort les rêves, on les pose sur la table. Nouvel automne, nouvelle page. On peut pas se promener au bas ni au bas de l'immeuble. Loin des cons en tant que léopard. On bave l'encre noire, ses pages plissent, s'envolent, frappent. Ceux qui veulent faire de notre parc une épave. C'est leur entrée, nouveau mensonge, des pranks, ouais. Ils veulent que mon rap rentre dans leur rang et rampe devant leur banque, c'est ça. La vie est si courte en tout cas. Moi je fais tout pour la croquer à chaque instant. N'ai-je pas raison, Lucas? Je vais pas les laisser m'enfermer dans la matrice. Être de gauche pour finir par crier travail, famille, patrie. Cracher ma haine du voisin sur le bloc RMC. Subir le chantage des patrons et rentrer RNT. Nouvel automne, encore plus d'autonomie. Tu m'étonnes scrupuleusement. No sell-out comme un prône d'alcool. Singing echoes of the reproduction of the same thing. Et été et hiver, un même schéma me dévore. La routine, mauvais décor, banalise la misère. Le vent a le son des armes, son souffle terrasse. Quelle que soit la racine, ne sois pas sur sa route par hasard. Chaque saison, beaucoup tombent comme des feuilles mortes. Nouvelle automne et toujours les mêmes nouvelles monotones. On s'étonne que les petits du bas peuvent jouer les Dalton. Se tamponnent de l'avenir, se cramponnent à des rêves merdiques en route pour aller je ne sais où. Nouvelle automne, nouvelle saison. C'est la rentrée, les mêmes problèmes à l'horizon. L'avenir en fou, certains inspirent la pendaison. Car trop de soucis dissimulés dans le classeur. D'être caché dans le cartable, on range le débardeur pour le bar. Car entre grève et manif, comme d'hab je fête mon anif. Noir à lunettes, moins naïf, à chaque nouvelle automne. Repeating of the singing echoes of the reproduction of the same thing. Trying to get a bit of the sunshine, sunshine. Little bit of the sunshine. Production of the same thing, trying to get a bit of the sunshine. Oh, forgive me now if I speak a little testily. Affects me now that which stresses me, oppresses me. Happens incessantly, hustles the rest of me. It gets the best of me as no one's right to check. I can share. Laïque est mon pays, catholique est sa confession. Tragique est son QI, catholique est sa religion. Rien ne l'inquiète plus que l'intrusion d'une idée neuve. Alors on nous inonde de matière fécale, de manière létale. Nouvelle automne, on est toujours la proie de nos conditions. Nos sentiments ne valent que s'ils sont griffés Louis Vuitton. SAKO, profession self-made man. J'attends plus que le système même, je deviens le système même. Observe ceux qui m'observent, des Bilderberg au Bertelsmann. Fly comme SO, je plane depuis le 7ème ciel. Pose avec Rachel, chill, vislo dans le 5ème set. À l'instant des Birkenstock pour marcher dans des Finkielkraut. Repeating of the singing echoes of the reproduction of the same thing. Trying to get a bit of the sunshine, sunshine. Little bit of the sunshine. Hey, singing echoes of the reproduction of the same thing. Nocturne, c'est 100% rap français. C'est Sako qui reprend le contrôle de la Nocturne ce soir. Avec ce morceau, on te retrouve aux côtés de Vislo, aux côtés d'Akash. Ouais, et Rachel Claudio, c'est une production de Sofly Anus. Nouvelle automne, c'était dans la Blue Tape 2 de Vislo. De Vislo, ouais. C'est un morceau qu'on avait fait il y a quelques petites années en arrière, peut-être 3 ans, 4 ans. Mais c'était ma première vraie collaboration avec Nus et Sofly, qui eux ont produit la majeure partie des titres de l'album que je vais sortir bientôt. Sacré bande de producteurs qui sont partis s'exiler un moment aux États-Unis aussi. Ils y sont toujours, là-bas. Leur dernier projet, là, c'est, ils ont placé un son dans Fast and Furious 7, dans le générique. Et puis, ils ont fait des derniers titres pour Florida, B.O.B., Shakira. Et ils ont fait Justin Bieber. Enfin bref, ils ont explosé aux États-Unis en l'espace de 2 ans. Et tu bosses avec eux aussi? Ben en fait, ils ont coproduit quasiment 7 titres. Ils ont produit 7 titres sur mon album là, qui va sortir. Donc c'est un album qui arrive. On peut commencer à en parler maintenant. Ah ouais, bien sûr. C'est... Il est quasiment fini. On pense qu'il va arriver en septembre. Là, ce soir, en fin d'émission, on va vous présenter le premier single que Nus et Sofly ont produit justement. Si tu veux, c'est parti du fait qu'on a commencé à collaborer ensemble, Nus et Sofly et moi, sur l'album d'Amel Bent qui s'appelait Où je vais. On mettra d'ailleurs un morceau que t'as écrit. Qu'on a fait avec eux. Ouais, moi, j'avais fait le texte et eux ont fait la musique pour elle. Ça a été un single. Je pense que les gens qui nous écoutent le connaissent. Et ils m'ont dit, mais quelles sont tes envies en tant que rappeur, quoi? Puisque là, on fait du travail pour les autres. Mais pour toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je dis, ben moi, mon kiff ultime, ce serait de monter sur scène avec les musiciens. Puisque je l'avais fait avec Ayam, je l'avais fait avec Saïd, avec d'autres artistes. Ils m'ont dit, ben nous, on va faire des prods mélodiques, programmés. À toi de trouver une équipe de musiciens qui vont se les réapproprier. Et on va faire une sorte de délire à la The Roots, mais tous ensemble, avec les musiciens et les productions programmées. Voilà, c'est le dernier album que je vais vous présenter. Donc, ce sera sur le projet pour c'est ce projet-là. Aller à la rentrée. C'est ça. c'est ça. Et même le premier single qu'on va vous présenter ce soir, il est basé là-dessus. Et bon, on pourra le découvrir, restez bien à l'écoute. Voilà. Et puis on vous passera aussi un morceau, parce que il y a évidemment, on en parlait de Maudit soit les yeux fermés. Mm-hmm. Il y a une version remix. C'est ça, en fait. Ce titre, Maudit soit les yeux fermés, n'a jamais été en single, n'a jamais eu de clip, n'a jamais été mis en avant particulièrement. Et là, il a eu 15 ans dernièrement. Donc on a fait une surprise qu'on va vous offrir à tous qui nous écoutez. C'est une cover, c'est-à-dire que le titre a été repris par de grands artistes. Et on va vous présenter ça ce soir. On le découvrira dans un instant. Ouais. Bah tiens, puisqu'on parlait peut-être d'Amel Bent, peut-être qu'on peut passer le morceau maintenant. Avec plaisir. Ouais, c'est un morceau donc que tu as écrit, c'était sur l'album d'Amel Bent, mm-hmm. avec l'équipe de Lucy Soft Fly. Ils ont fait la musique, j'ai fait les paroles, ça s'appelle Cette idée-là. Tout l'or d'un empire, nous n'en ferions pas moins semblant. Et nous pourrions leur dire qu'on s'aime et sourire. Nous mentirions toujours autant. Il est des évidences qui ne se dénient pas. Et la grandeur du titre, man, dis-toi que je me suis mis le doigt dans l'œil du tigre. C'est l'heure du crime, paille, suis-je assimilable? Je suis tout seul, oui, vous êtes plus de 6 milliards. Voici l'Iliade, ok, un faux départ, miracle, une tirade et un bouquet et de 6 milliards. Hey, je suis qu'un Simbad, moi, sans le corps d'attache, cache, j'ouvre les esprits comme Aldo Lavache. Yeah, en fat flow, un adage, en vase clos, j'dépeins des pots comme un lascar de Lasco. Et je lâche prise et je prends du style. Un doigt pour votre honneur, un vocodeur sur votre champ du signe. Réunis par la gauche, ils le sont par le tribunal. Car pour ne pas en oublier le code, ils l'ont glissé dans le pénal. Malgré des coups de fouet, on se lasse pas de rêver. C'est un luxe de le faire, alors on rêve de luxe et de s'élever. Crise économique, panique dans les rangs de l'État. La finance réclame assistance, mon peuple lui offre la bande d'État. Cris de terreur, Bilderberger. Tu ne m'attendais pas, mon rap et moi sommes fruits de tes erreurs. Je tire à but sous le feu des projecteurs. Alors enfermez-moi, encensez-moi, enterrez-moi, mais entendez-moi. Je te vois te gratter la tête, profite, ça distraira tes couilles. Tu gâtes rien à mon rap, te casse, les experts analysent les douilles. C'est ma logique, à un Mac sur mon arbre généalogique. C'est ça mon style, bref, paye-moi. J'ai le syndrome du sale rôle, appelle-moi Sam Rothstein. Ex-fan des 60s, je suis genre d'artiste has-been en Jordan 6. Et je reste magique, oui, à chaque fois, oui. Je lâche pas, je vois un peu de sang et une orange de Jaffa. Yeah, marginal, je dunk sur l'arbitrage. Punk is not dead et le futur sera matinal. Hey, qui contrôlera ce monde, qui va le regretter? Dans cette course contre la montre, je reste à l'heure d'été. Deux jours de pause, cinq de travail, balade au champ de bataille. Les soldats sans cause errent dans la pagaille. Sous Prozac dans la spirale, ils tirent à plus. Pour un plasma de grande taille, ils saluent. Puis à l'usine, leur vie déraille. C'est la lutte, expose un pied par terre. Donc j'aiguise ma plume et vise la lune interstellaire. Drive-by, invisible pour la masse, y'a rien à faire. Le temps passe à un train d'enfer et je reste en guerre comme Wallace. Debout du milieu du jour à celui de la nuit. Combien abandonnent au milieu de la l'amour et de la vie, des reprisés au méprisé, le bon monde comme les bêtes, car dans les jardins de l'Élysée, les feuilles tombent pas les têtes. La Nocturne, et c'est Sacco au contrôle de La Nocturne à l'instant, yes. Avec un morceau côté Damad. Montpellier, un MC de grand talent. Pour résumer, je ne citerai qu'une de ses punchlines. J'ai voulu briser le silence, on m'a dit si tu casses, tu payes. Et c'est un morceau qu'on peut retrouver où celui-ci alors? Celui-là, il était dans son album précédent qui s'appelait... Qui s'appelle toujours d'ailleurs. Voilà, mais je conseille à tout le monde son dernier album, Perdant Magnifique, qui est juste magnifique. Amad avec Sacco à l'instant sur Skyrock. La Nocturne 100% rap français. Il y a une surprise en fin de Nocturne pour tous ceux qui vont RT à mort. C'est ça, une photo sur mon compte Twitter que je vous demande de retweeter un maximum jusqu'à la fin de cette émission. Pour une grosse surprise, une très grosse surprise, vous n'aurez pas perdu votre temps et vous n'aurez pas usé vos doigts pour rien non plus. Donc c'est hashtag MSLYF. Et retweeter. Donc hashtag MSLYF. F, pardon. Ouais. Bah oui, forcément. Forcément, S, ça le fait moins. Bon, tiens, on va se replonger donc ça sur ce premier morceau qui s'appelait Maudit soit les yeux fermés. C'est ça. Avec une nouvelle version, donc qui est arrivée quoi, là, il y a même pas un mois. Il y a même pas un mois? Ouais. En fait, l'idée est partie du fait que. D'une discussion et du fait qu'on s'est rendu compte, après avoir parlé avec Lino d'Arsenic, que. Ça fait 30 ans maintenant qu'on a cette musique en France qui existe, le rap, qu'on a créé des golds, qu'on a constitué un véritable patrimoine, Et que ben un gamin aujourd'hui qui prend une guitare et qui commence le rock, il sait qui est Pink Floyd, il sait qui sont les Rolling Stones, il sait qui sont les Led Zeppelin, tout ça. Un gamin qui prend un stylo aujourd'hui qui commence à faire du rap, il sait qui est Booba, il sait qui est Rof, il sait un peu moins qui est NTM, il sait encore moins qui est IAM, et ne lui parlons pas des PMD ou de Rakim. Et on s'est dit que c'était aussi un peu de notre faute si ça c'était cet état de fait là. Oui, j'ai demandé comment t'expliques en fait toi. Que justement il y a plein de choses qu'on n'a pas su faire parce que ben le rap ça a explosé en France malgré tout, malgré le fait que ça fasse 30 ans. Il y a plein de choses qu'on n'a pas su gérer correctement. Ça pour moi ça en fait partie, à savoir perpétuer et perpétrer notre héritage. C'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille parce qu'aujourd'hui il existe cet héritage là et il faut pas qu'on en ait honte. On a toujours tendance à entendre en France il y a la musique et il y a le rap. Il y a les musiciens, il y a les rappeurs, il y a les auteurs, il y a les rappeurs. On est toujours, tu vois, la musique de ceux qu'on veut pas entendre. Néanmoins, que ce soit les gens de la variété, les gens du rock ou qui que ce soit, ils ont pas de problème à venir nous chercher pour qu'on leur écrive des textes. Ils ont plus de problèmes par contre à dire que c'est des rappeurs qui ont écrit des textes. C'est à nous de faire ce travail-là, comme dit Akhenaton, personne ne fera, alors vive nous. L'idée, c'est de dire ça, quoi. On a vraiment créé des richesses, n'ayons pas peur de les célébrer nous-mêmes. Aux États-Unis, il n'est pas rare de voir un Jay-Z sur scène, jouer un morceau de Biggie, jouer un morceau de Tupac, célébrer les anciens, célébrer leur héritage. Il faut qu'on arrive à faire ça en France. Donc, c'est ce qu'on a fait avec ce morceau-là, avec, disons-le, tous les plus grands artistes du moment. Lino, la crème de la crème. Lino, donc, Tarsenik, Soprano, Youssoupha, Akhenaton, Tunisiano, Millionnaire, Vust et moi. Et on a repris ce morceau qui est un, entre guillemets, un gold du rap français que j'ai eu la chance. Ou un classique. Un classique, ouais. Et on peut le trouver ce morceau, celui-ci, ça y est. C'est ça, on va l'offrir aux gens. Il est gratuit. Vous pouvez dès ce soir le trouver sur iTunes, directement sur mon compte Twitter, il y a le lien. Et dès ce soir minuit sur iTunes, Maudit soit les yeux fermés, version 2015, offert à tous. Donc il est dispo là. Disponible là. Au moment où on parle là, il est dispo. Il est dispo. Et ben on va l'écouter maintenant. On l'écoute tout de suite. Ce morceau, Maudit soit les yeux fermés. Allô. Ouais, allô, chill. Ouais. Ouais, c'est moi. Tu vas bien? Ça va? Ouais, je t'appelle, c'est parce que j'ai écouté les instrus là pour taxi et moi les trucs gays, franchement, ça le fait pas quoi. Pourquoi? Mon cœur, mes textes comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures. Réminiscence sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Ouais, de toute façon, fais ce qui te plaît, hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre que ce que je suis? Chaque jour me dicte ses lignes, en souligne les plus tristes. Je prie plus, je flippe, ris peu, je parle de moins en moins. Mon seul lien avec les miens reste l'écriture. Une délivrance, elle me libère, mes délires dansent, mes résidences me soutiennent. Faut que je déballe tout, le mal me rend fou. Faut que je parle, qu'on râle, je m'en fous, je m'étale devant vous. Souvent, je lutte au plus haut degré. Je planche pour écrire un sourire, mais ma plume flanche. Feuille blanche étanche aux choses gays, c'est étrange. C'est pas que je veux pas, mais je peux pas. J'ai pas la tête à la fête, c'est peut-être que je me suis. Que le fruit de mon époque, la vie se comporte durement. Même pose est humain, cette pose puante à haute dose. Une forte névrose à son fait m'isole. Comme Travis Bickle, pour que je rigole, faut que je picole. Mes textes, je voudrais que t'en ris, mais je dis que ça part mal. Croire en demain, on a le droit, mais au fond, je m'attends pas à tant que ça entend ça le son, garçon. Si ça sent le souffre, c'est que je te souffle ma vie. Que s'ouvre à toi ceux qui souffrent. Alors profites-en tant que c'est qu'un disque. Que tant de fatalité crasse ne reste que ma réalité. Si j'arrivais seulement à rire, y'a rien de même. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures. Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures. Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Déjà 2015, l'avenir est sombre dans les villes du monde. Chante tant d'hommes tombent dans l'ombre. Grand nombre d'anges déchus, d'existence en dessous, déçu je suis. Dès le début j'ai su que Jésus se fout de nous. De suite je l'ai lu dans les yeux des miens. Témoins forcés de forfait pour les moins. Exposer les mains, liées. La vie m'impose ses thèmes. Et que je n'aime ou que je n'aime pas n'est pas le problème, j'en parle quand même. Des nuées de sens, des nuées de scène. Chaque jour me blesse, et même si c'est ainsi, ça me laisse pantois. Reste que je ne peux l'admettre, ça me cite voir ces trucs. Le temps et les gens passent mais rien ne change. Personne s'arrête, aujourd'hui faut plus compter sur autrui. C'est comme ça que le monde marche et sèche quand je cherche à comprendre. Écrire autre chose, je voudrais. Je suis sincère quand je dis ça, mais on ne reproche pas à l'aveugle de ne pas voir chez ça. J'ai 23 ans, le ventre vide, avide de prendre gros choses. Peu commode, je m'accommode mal des modes de vie. Alors que me reste-t-il? Même ma musique, plus le chien. Que suis-je en droit d'espérer pour demain? J'en suis là, cinglant, ce constat me consterne et me concerne pas que moi, conscient de ça. Comment lâcher pour la risée, d'iriser lyrics? Ce serait tissé d'hypocrisie pied alors je lâche pas l'affaire et maudit soit les yeux fermés. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions durent. Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions durent. Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Retweeter, retweeter, retweeter. @Sako. Hashtag MSLYF pour la grosse surprise en fin d'émission. L.I.N.O, Tunisiano, Soprano, S.A.K.O, Akhenaton, Vest Lyricis, Millionnaire, live sur Skyrock, exclusivité. Planète Rap, 100% rap français. C'est la nocturne 100% rap français. Oxmo Puccino. Beware of Prodor. Oxmo Puccino. Man. Beware. Mars marche droit. Monsieur Puccino. Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. Vas-y. Oui. Je te peins des rimes à l'acrylique. Oui. Timide, cynique, moral, mort à la clinique. Oui. Nom d'une bite en bois, je le flot coule, un gros slick, oui. Si j'ai la feuille, un petit feu et Maurice Philippe. Oui. Casse dédié à Kili, mange à Ropa. Oui. Chitou Bibin, tous au Kili, mange à Ropa. Oui. Mange à 11, si y'en a pour 10 000. Pour oui. Bif, on se course, poursuite, ce court-circuit. Tous oui. Ces tristes sentiments sont ma biscuiterie. Oh, X et chien de paille, tu viens du pays. L'encre de nos plumes participe oui. Au martyr du classicisme. Classic oui. Shit, bénéfique, génocide sur moins d'une oui. Piste. Quand l'insipide est MVP oui. Et que le pays kiffe, moi je récidive. Activiste, oui. Programme ma big place chaque lyrique sous oui. La CX grise. 3, 2, 1, boum. Bernadette oui. Et son prochain cuisse. Pas d'armistice tant qu'il oui. Y aura pas de justice. Please, stop au minix oui. Style le web, nique le bise. Vise, dans l'infini oui. Nos plumes s'éternisent. Cheese, garde le sourire petit oui. Car y'a pire qu'ici, je porte le 06 oui. Du Zénith oui. Jusqu'au Zénith. Notre choix ici. Est fait, on est hip hop oui. Et on le restera, le staff est prêt. Oxmo Puccino oui. Et chien de paille, notre ah. Âme est vraie. C'est ce qui fait oui. La force du groupe. Respect quand on fait couler l'encre oui. Pour les frères. Notre choix est fait, on est hip hop oui. Et on le restera, le staff est prêt. Sako oui. Et chien de paille, notre art est vrai. C'est ce qui oui. Fait la force du groupe. Respect quand on fait couler l'encre oui. C'est pour nos frères du dessous. Elle est belle oui. Cette plume, à qui est-elle? Touche pas, c'est un bibi oui. Tu vois, toi t'es fini, de moi t'es le mini oui. Je gratte des textes, sors des disques. Chin chin, oui. Sur la photo avec Al Sako, Ox, chill, dit chill oui. Je suis des contrats, bordel, je sors le filis oui. Et quand je trace, je te laisse que la fumée comme bip mais bip oui. Avant je triais les œufs des cafards, des Rice Krispies oui. Et je bandais un peu devant les Coco Girls et leurs striptease oui. Maintenant 2005, je suis le dernier des Grizzlies oui. Les rappeurs veulent des pendentifs, gros comme des frisbees oui. Salope, on t'a pourtant dit de pas toucher au Grisby. On oui. A les sabres de Kill Bill, aiguisés pour 10 piges. Ouais, mon choix est fait, je crèche dans oui. Le hip-hop, toi c'est vite dit. Câble, CV ma gueule, oui. J'ai crié dans les 60s. Un jour de septembre, ma mère oui. A poussé cette petite vie. Quand mon père souriait dans oui. Les couloirs de la clinique. 20 ans après, je cuisine oui. Scratch dans mon bibi. Un caillou nommé rap vendu oui. À tous ceux qui chic ici. 86, oui. Enregistre en premier 6 titres. Spray à cash sur le oui. Métro de New York City. Dilué en montant dans les oui. Soirées de merde insipide. On déboulait à 100 comme débarquaient oui. Ces putains de vikings. On rappait dans les soirs pourris, oui. Nos teams sur les bris de vitre. L'encre de nos plumes traçait oui. Le sillage d'un vil missile. Et n'oublie pas ce nom écrit oui. Tout en bas de cette missive. Impérial asiatique mène oui. Ou le venin de Ninive. Je prétends pas être un héros oui. Style chronique de Riddick. Un petit Rital qui se la coupe douce oui. Comme dans la vie de Ricky. Je suis pas là pour te braquer oui. Ni pour te fourguer si kill. File-moi rien que ton oreille et range-moi oui. Ce putain de liquide. J'aurais pu faire de la pop oui. J'aurais dansé la biguine. Mais strictement hip-hop. Je pousse un bronze dans la piscine. Ça se prend trop sérieux avec oui. Des lyrics irrisibles. Je pose avec Shenpai. Rappelle oui. Plus tard mais que je suis trop busy. Je lâche des thèses qui défient oui. Des lois de la physique, ouais ça vient de Mars. Un seul oui. Tarif, c'est couplet mythique. Connard, les tiens pourris, je les oui. Séquelles. Appelle-moi le terme. Tu pensais pouvoir, oui. Mais t'es né pour. Ben. Tu me rappelles le level oui. 1 de Time Crisis. Nos vers c'est le crayon et oui. Les tiens c'est l'hôtel Ibis. J'ai laissé ton partenaire sur oui. La scène, il semblait si triste. Et barbouillé le set de ton oui. DJ à coups de trinitrite. Je l'ai vu partir, il se prenait pour Gatsby le magnifique. Mais l'abus de raisin l'a détourné vers un show-me-fig. Du sérieux à la vanne, entends bien ce que je distille. De la vanne au sérieux, on tient juste que c'est du style. Je fais un instrumental comme Michael la Chapelle 16 et parle tellement d'avant qu'on dirait ce putain d'Higgins. Je me rappelle en 1984, nous étions à New York avec Lord Shuriken, premier du nom. Quand une bande d'autochtones, connue pour sa vaillance au combat et sa sauvagerie, a surgi du coin d'une rue de Harlem. Nous étions tombés dans une embuscade. À toutes nos forces apparentes ou invisibles, Dramator rest in peace. Notre choix est fait, on est hip hop et on le restera. Le staff est prêt, Buzz, lyriciste et Shane Fry. Notre âme est prêt et c'est ce qui fait la force du groupe. Respect quand on fait couler l'encre, c'est pour nos frères du dessous. Notre choix est fait, on est hip hop et on le restera. Le staff est prêt, AKH, Ayam et Shane Fry. Notre art est vrai et c'est ce qui fait la force du groupe. Respect quand on fait couler l'encre pour les frères du dessous. C'est la nocturne, c'est 100% rap français avec ce morceau. Un petit mot sur ce morceau d'ailleurs, Sako, celui-ci. Écoute, un remix qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire et une anecdote particulière puisque j'ai enregistré Oxmo dans une chambre d'hôtel quand il tournait son clip Black Desperado sur un 12 pistes dans une salle de bain minable. Il était debout dans une baignoire, on avait branché un micro comme ça. C'est sympa, hein. C'est sympa. Mais la prise de voix a été catastrophique. Enfin, les conditions, c'était hip-hop, quoi. J'avais mon 8 pistes dans un sac à dos et j'allais voir les mecs que j'aimais et à qui je demandais de poser un 12 sur le thème qu'il voulait. Et on avait fait tout un street album comme ça, c'était Tribute 2. L'encre de nos plumes à l'instant avec Oxmo. Ça avait donné ce morceau-là. Avec Vust Lyriciste, un collègue du Sud, hein, Vust. Oui, plus que ça, un ami de longue date, signé pendant 10 ans à la Cosca aussi, et qui m'a fait une très belle composition sur mon album, là, dont on va parler plus tard. Et un très grand artiste. Et AKH aussi qui est présent dessus, pareil, avec qui t'as des contacts régulièrement encore, AKH. Ouais, et puis on a enregistré un inédit la semaine dernière pour cet album-ci aussi. Et on fait plein de choses ensemble. Même si aujourd'hui on n'a plus de contrat en commun parce que il est passé à d'autres activités sur la production et l'édition. On est toujours. J'oublie jamais que c'est quelqu'un qui a hypothéqué sa maison pour que je puisse faire mon premier album, quoi. Tu vois, donc ça crée des liens. Ah, ça crée des liens forts. Bon, là il y a un nouvel album, tu disais, pour toi, Sako, qui sortira plutôt en fin 2015 ou en deuxième partie de 2015 à la rentrée. Mm-hmm. Plutôt, c'est un album. T'as déjà le nom, t'as tout? Non, j'ai pas le titre encore. J'hésite entre deux titres. Donc on va se décider un peu plus tard, mais c'est quasiment fait. Et puis on le disait aussi, donc j'ai envie de dire le premier extrait, parce que là on va passer par contre un titre inédit, hein, avec lequel t'es venu et qui fait plaisir. C'est un morceau qui s'appelle Une Vie. Ouais. Mais il y aura aussi peut-être Maudit sur les yeux fermés qu'on écoutait. Je sais pas si tu le remettras d'ailleurs. Ouais, on se le remettra avec plaisir. Et puis de toute façon, là je vois que les retweets ça fonctionne bien. Il faut continuer. Continue. T'es allé faire un tour sur les réseaux. Rappelle-nous tes adresses pour suivre. Sur mon compte Twitter @Sako @SAKO tout simplement. Retweetez la photo que vous voyez. Jusqu'à la fin de l'émission et on va vous dévoiler une très grosse surprise à la fin de cette émission. Restez connectés sur le compte et écoutez l'émission en ce moment même. Il y aura un live aussi avec toi, Sako. Quand tu veux, je suis prêt. D'ici quelques minutes, peut-être dans le temps d'écouter, non, parce que j'ai envie qu'on mette maintenant ce titre inédit. Ah, ok, ça t'a choqué. Celui-ci, il a jamais été diffusé. Jamais, c'est la première fois, exclu la nocturne. Et c'est une production donc Nus et Soulfly, comme je le disais tout à l'heure. Et puis on se l'est réapproprié avec tous les musiciens. Donc tout ce que vous allez entendre dans la musique, c'est des vrais instruments, tout est rejoué. Et voilà. C'est un super titre, hein, celui-ci. Hein. Je te remercie. On peut dire que c'est le premier extrait officiel de l'album. Hein. C'est le premier single officiel de l'album. Il y avait l'extrait zéro avec Maudit sur les yeux fermés. Même pas extrait zéro, c'est un cadeau, quoi. Un cadeau. Sur les yeux fermés, tu vois, c'est vraiment. On le donne aux gens, ça fait plaisir. On célèbre notre héritage et on a envie de le partager. Donc voilà, c'est offert aux gens. Celui-là, c'est le premier single. Il sera disponible dès ce soir en précommande et à partir du 20 avril sur iTunes et partout. Donc, à partir du 20 avril pour pouvoir récupérer ce morceau. Et maintenant, c'est ça. Dans la nocturne, le morceau s'appelle Une Vie. Sako, en exclu total pour la nocturne, 100% rap français. Cannes 06, je ris devant les photos. Coupe de Playmobil, mes parents bossent, standing middle class. Je me sens bien, puis soudain, c'est le bris de glace. Y'a pas d'histoire sans histoire, non. Ça tient pas la route, faut savoir que tôt ou tard, y'a toujours un bâton pour la roue. 85, je suis ailier dans l'équipe. Mon père est loin, ma mère s'est pris un strike dans les quilles. 1986, c'est Jires Platini. Les junkies sur le parking, les vignettes Panini. J'ai l'âge où faut qu'on prouve tout à toute la terre. Alors on tourne, on cherche un coup à faire et on se tue en roue arrière. Dans les bacs le 20 avril, c'est week-end aux alentours. Saka ou en week-end, tous les 15 jours, 90, tout va bien. On tient, on lâche rien. Je passe au rouge sans les mains d'Astin 0, moi 1. Une vie, on a qu'une vie. Et c'est toi seul qui en fixe les limites. On a qu'une vie sur Skyrock. Tu peux choisir. La nocturne. Te dire le contraire, c'est mentir. Le Saka ou le 20 avril dans les bacs. On a qu'une vie. Hey. Y'a rien à dire, y'a qu'à grandir. Rien n'est acquis, rien n'est gratuit. Te dire le contraire, c'est mentir. 91, je traîne dans le coin. Je tag, je promets rien. Je fume mes premiers joints, le monde c'est bien trop loin. Un mec, ma mère et moi on s'aime trop fort. Donc les colères sont toutes plus noires. Je rentre toujours plus tard. 9-2, je plonge au fond des haut-parleurs. Jazzy Jeff, Fresh Prince, he's the DJ, I'm the rapper. Mes potes chill sur la croisette. Siffle les filles et les canettes, moi Biggie sur cassette, j'ai des States sous ma casquette. 9-3, je garde l'étiquette sur ma basket. Premier concert avec la secte, mes concepts deviennent ma caisse. Sakao. 9-7, trois Akhenaton sur le chemin. La nocturne. L'instant à l'instant et ça passe au frein à main. 9-8, à Marseille, je prends un taxi pour le succès. Je comprends rien à ce qui m'arrive, je rappelle juste pour m'amuser, tu sais. Tu sais. Ces joies, ces erreurs que je confesse, c'est pas des larmes, c'est la promesse qu'à chaque erreur. Exclus Skyrock. On a qu'une vie. Une vie. C'est toi seul qui enfonce les limites. Le 20 avril dans les bacs. Tu peux choisir. Quand on te dit le contraire, c'est mentir. Sako back in the game, mon pote. On a qu'une vie. Y'a rien à dire, y'a qu'à grandir. Y'a qu'à grandir. Rien n'est acquis, rien n'est gratuit. Quand on te dit le contraire, c'est mentir. De 0-0-0, j'suis le frère de plein de gens. J'ai les 15-35 ans, mon rap va de lèvres en tympan. De 0-0-1, l'Amérique frappe le Pentagone. Premier album et les lyrics frappent dans l'hexagone. De 0-0-2, je bosse, je dors peu, je vise le top, ton iPod, l'amour est hors jeu. De 0-0-3, j'ai le sourire au combat, je fais pas toujours les meilleurs choix, mais personne décide pour moi. De 0-0-4, je vois de moins en moins les miens. Pour eux, j'avais prévu d'aller loin, mais pas qu'ils partent avant la fin, non. 2005, ma première télé, chaque jour tout peut s'arrêter, c'est une bonne raison de se lever. 2006 à l'Olympia, 10, toujours sur le terrain, 13, mais mes affaires. Faire du main de fer, je vise et j'obtiens. Toutes ces années passées, ces obstacles effacés, sont autant de pierres blanches qui sauront par où passer. On a qu'une vie, et c'est toi seul qui en fixe les limites. 20 avril dans les bacs, tu peux choisir. Quand on te dire le contraire, c'est mentir. 20 avril dans les bacs, on a qu'une vie. Y'a rien à dire, y'a qu'à grandir. Rien n'est acquis, rien n'est gratuit. Quand on te dire. Hey, Sakao live sur la nocturne. En exclusivité, le nouveau single de mon prochain album, production Nus et Sofly. Ça s'appelle Une vie, mon pote. Ouais. Disponible 20 avril, été ce soir en précommande. Toutes les infos sur mon compte @Sako, Sakao, mon pote. Exclusivité Skyrock. Merci la nocturne, merci Fred Musa d'avoir diffusé ça. Gros morceau, on attend ça le 20 avril. Et puis l'album, ce sera un petit peu plus tard à la rentrée 2015. Ouais. Ouais. C'est émouvant que tu dises ça ce soir parce que c'est l'aboutissement d'un long chemin. Une vie à l'instant sur Skyrock, la nocturne 100% rap français. On continue avec du son de Sako, Soprano. Yes. Sopra. Pourquoi ce morceau? Parce que Pourquoi Sopra est sur la cover plutôt? Parce qu'on a commencé ensemble il y a une dizaine d'années. Il est là où il est aujourd'hui. Et ça, c'est un des morceaux qu'on avait fait au début quand on commençait à travailler ensemble. Donc voilà, petit clin d'œil à Sopra. Avec Akash. Qui a joué ce soir, Edouard. Stop. Ah oui. Je n'ai appris qu'à perdre, qu'à mettre les mains dans la merde, qu'à n'être rien dans ma tête, qu'à faire la guerre, qu'à mes frères, qu'à voir ma mère dans les dettes, qu'ils aillent se faire mettre, mec, t'inquiète, le petit nègre sera riche avant qu'on l'enterre. N'est qu'un seul maître, qu'un seul modèle, pour être loin de votre matériel et près de l'amour maternel, moi ma guerre. À l'heure où on parle qu'à modem, c'est nickel système, où on t'apprend à vivre au singulier, mais plus au pluriel, plus rien sur terre m'attire. On s'écoute que quand ça tire, la Colombie s'y s'enterre et les corbeaux sentirent. La paix une cause militaire qui sauve des vies pétrolières. Car je ne vois tomber que des missiles de leur canadaire. En crise alimentaire et bavure policière. Normal qu'avec tous ces poulets les blocs ont la grippe aviaire. Je déteste Marine comme James, mais encore pire son père. Car je suis Dookie Williams et lui Schwarzenegger. Aujourd'hui ils partent tous et des bienfaits des colonies. Des cols leur dit qu'on est français. Ils nous disent d'arrêter nos calomnies. Ils nous ont mis loin de leur économie. Et puis s'étonnent que nos petits ne veulent que le RMI. Et voilà. frappe comme un coup de gueule venu de ses coups de gueule, où les paliers sont des plateaux télé de Jerry Springer. Un rap qui vient du cœur, un rap de prolétaire. J'ai tant pour eux, je serai au rap ce que Bruel est au poker. Tant que Dieu me donne la chance de vivre, tant que Dieu me donne la chance d'être libre, la chance de vivre, tant que Dieu me donne la force d'être libre. Mon épiderme, la famille d'un frigidaire, le silence d'un solitaire, la lame d'un suicidaire, l'histoire changée au cutter, les larmes d'un jugé à tort, celle de nos miradors, la sueur de mes disques d'or, la poésie du miskin, la poésie du Uzi, la poésie de Mesrin, la poésie anti-skin, les dépipés de l'État, la fin des temps et ses signes, l'état des frères Mgueta, nos pères tués à l'usine, l'énorme manque de caille, l'énorme manque de médailles, la marque sur dos du bétail, la sincérité de Chen Pai. Tu veux savoir dans l'idéal, mec, j'rappe la persévérance, partage mes errances, en gras marque ma différence, j'rappe par déférence, hommage à mes référents, 4 morts, mec, frappe dans le sac, moi dans la page blanche, j'rappe au nom des miens, pas le droit dans le son, y'a rien, mat dans mes calpes, c'est plein de clap, clap, j'descends les chiens, mic, défends les miens, clap, clap, quand je me sens bien, j'te mets à l'aise, c'est juste du rap, j'narre comme Hugo Chavez, oh, l'humour est noir, car l'humeur du métèque est mat, chill, c'est à toi, place, l'échec est mat. On donne grâce et courage, la France rage et nous brade, les flics sur le terrain frappent et les grades et nous parlent. Bordel, on est des hommes, y'en a marre de jouer les coupables. Y'a beau mettre les formes, mais c'est qu'on nous passe des tourrags. Qu'on se nomme Brad ou Mourad, le passe nous parle. On tire la paix hors de la guerre en étudiant les verres et sourades. Avec le plastique, le C4, CK et Lucas. Trop de pression dans ce bled et nos fesses jouent les soupapes. Si je voulais manipuler l'or, j'aurais député ou pape. Qu'il soit dégoûté ou pas, ma vie est vouée au rap. Rime en extra large en déboutant des coups les plus raves. Assis comme un bouddha, écoute-moi livrer des putains. Tant que Dieu me donne la chance de vivre, tant que Dieu me donne la chance d'être libre, hey, oh, oh, j'rappe le ghetto. Tant que Dieu me donne la chance de vivre, tant que Dieu me donne la force d'être libre, la chance de vivre, tant que Dieu me donne la chance d'être libre, hey, oh, oh, j'rappe le ghetto. Tant que Dieu me donne la chance de vivre, tant que Dieu me donne la force d'être libre, hey, oh, oh, j'rappe le ghetto. C'est la Nocturne 100% rap français avec Sako au contrôle de la Nocturne, où on te retrouvait aux côtés d'Akash une fois de plus. Yes, et Soprano. Et de Monsieur Soprano qui en effet, tu le disais juste avant sur l'introduction de, du morceau, qui est au concert au Dôme, blindé un Dôme. Exactement, blindé ce soir une fois de plus, il mérite. Et ce soir, puisqu'on a déjà basculé. Il mérite tout ce qui lui arrive. On est samedi, il sera assis du côté de Montpellier. Un grand monsieur. Un grand monsieur Soprano, on le salue. Grosse tournée aussi. Je sais pas si t'as eu l'occasion de voir le Cosmotour. Non, pas encore. Il défonce le Cosmotour. J'en doute pas une seconde. Gros boulot sur la tournée. Soprano, il fait partie d'un groupe, c'est 4 de la rime qui est issu de la scène, ils sont nés sur scène, ils sont faits pour la scène, donc je doute pas que le show soit à la hauteur du bonhomme. Ah, c'est un gros show loupé par un, s'il passe près de chez vous le Cosmo Tour, et demain c'est du côté de Montpellier pour retrouver Soprano. Est-ce que tu es prêt maintenant, Sako? Vas-y, je vous remets des glaçons. Tu nous remets une petite tournée? Allez. Allez, c'est parti en live maintenant, dans la Nocturne 100% rap français. Yes. Sako. Sako live sur la Nocturne. Un gros big up à tous ceux qui nous écoutent à cette heure tardive. Nouvel album bientôt dans les bacs, le single Une Vie le 20 avril. Mais pour le moment, des cadeaux. Retweetez sur mon compte Twitter @Sako la photo. Bientôt plein de choses pour vous tous. Tu sais Fred, j'ai des souvenirs. Ma part de jour, ma part d'ombre et des sourires. Il y a 20 ans, mon père m'amène à Skignano, le village que ma famille a fui 70 ans plus tôt. Peu distant de ton studio, mais tellement loin. C'est tout petit, quelques âmes près d'un lago di Como. Les maisons n'ont qu'une pièce, tout tourne autour du fourneau. Et si tu voyais les sonnettes, la moitié des locaux portent mon nom. Et pour bon nombre, connaissent mes tantes et le 06, elles sont de mon monde. Dans cette région profonde et sombre, la vie c'est le taf, le reste oublie. Ça se dit cash quand ils s'ouvrent. pourri. C'est ma première venue, alors mesure l'impact. Quand je capte qu'ils ont maintenu liens et contacts intacts. Tu sais, mon père, c'est pas le genre à l'ouvrir. Mais sur la place de l'église, face à ces gens, je vais le découvrir. Il est connu par l'Italien couramment. Surprise pour mon frère, comme pour moi et pour sa maman. À l'époque, j'avais 23 ans. En 23 ans, il m'a jamais dit un mot de cette langue avant. Maintenant, je comprends, pour mes tantes, c'est la même. L'instant me ramène à des phases qui me ramènent à elles. Elles ont fui la misère et en guise d'espoir m'ont trouvé en France que la misère sans les chemises noires. Bannis par les institutions, fallait se fondre dans la masse, occultant leurs origines jusqu'à leurs prénoms. Haïs par les instituteurs, elles n'étaient qu'ombre dans la classe, montrées du doigt car elles étaient 11 dans le cabanon. Dès lors, il y a une vie pour soi et une pour le monde. De la première, on ne parle pas tant la peine est profonde. Fred, j'ai découvert des pizzas au Kerry. Tes pâtes, je les kiffe, mais celles-là n'existent qu'au pays. Français d'origine italienne, 40 piges à peine. J'ignore toutes ces racines qui m'appartiennent. Il est grand temps que je me retourne et retrouve ce qui me manque tant. Mais le brouillard est partout depuis l'époque de mes grandes tantes. On ne veut les guets que des victoires à ces moments tant comme. Mais les souvenirs qu'on efface restent chez eux des fantômes. Je sais que mon père a voulu me dire tout ça. Ce soir je te le dis, papa, je t'ai compris tout bas. Une vie poteau. Y'a rien à dire, y'a qu'à grandir, ouais, y'a qu'à grandir poteau. On n'a qu'une vie poteau. Une vie poteau. Tout est écrit, y'a rien à dire, y'a qu'à grandir poteau. Une vie dans les bacs le 20 avril poteau. Une vie dans les bacs le 20 avril poteau. Écoute la suite mon pote, y'en a encore. Live dans la nocturne sur Skyrock. Été 2015, l'air est plus froid qu'à l'hiver 54. Justice, église, politique, plonge la main dans le sac. Aux yeux des gamins, notant l'acte, s'en tape 500 tactes. Quand le peuple affamé implore leurs divers seins en plâtre. La misère cinglante frappe et c'est une fin en soi. Le gouvernement n'empêchera pas qu'il y ait de moins en moins d'emplois. Le but est évident, rendre l'habitant pénitent. Maintenir le parti et ce putain de président résident. Dans la presse, bien et mal s'articule en axe. Forçant le sensationnel, on manipule vos angoisses. Le CAC 40 chute comme le monde compte ses défauts. C'est encore de votre faute, tout le monde le dit sur TF1. Plein d'orgueil, on est fiers d'être de cette démocratie où le bonheur n'est qu'à crédit, en vitrine une démo gratis. Tout ce qu'on en retient vraiment, c'est sa précarité, ainsi que les arriérés de paiement et les pénalités. Alors la distance entre nos rêves et la réalité, on l'oublie en ronflant devant la télé-réalité. Et c'est ainsi depuis mes bleus, mes dents et mes couches. À force de rêver sous le feu, le sang et le joug, on s'habitue à vivre de peu, de manque et de rouste. Et à ces barbelés faits de bleu, de blanc et de rouge. Je sais que je ne changerai rien, rapper ces quelques rimes. On continue à le croire, c'est là qu'on commet le crime. Une vie poteau, y'a rien à dire, y'a qu'à grandir, on n'a qu'une vie poteau. Une vie poteau, une vie poteau, y'a rien à dire, y'a qu'à grandir, on n'a qu'une vie poteau. Le 20 avril dans les bacs, mon pote. SAKO, le single, une vie. Ce soir dans la nocturne live sur Skyrock. Big up à Fred, big up à tous ceux qui nous écoutent. Retweet, retweet sur mon compte Twitter, @SAKO. 1. Big up à ma man CHI à la prod. Yeah. SAKO live sur Skyrock. La révolution sera hip hop. Je suis back in the game. Accroche ta ceinture, mon pote. Ça part de là. Yeah. SAKO avec nous. Dans la nocturne 100% rap français. Freestyle à l'instant. Ouais, ou freestyle. Live. Du freestyle gentil. Petit freestyle gentil qui revient sur les origines, justement, SAKO. C'est ça. Sur les souvenirs. Ouais. Bon, on vient pas de nulle part, il faut pas l'oublier. Voilà, il faut pas l'oublier. T'es là avec nous encore, allez, pendant quelques minutes, SAKO. Mm-hmm. Avant de se quitter, on remettra aussi le maudit sur les yeux fermés. C'est ça. Il est aussi temps de rappeler qu'avec le @SAKO, il y a une surprise dans une dizaine de minutes même. Ouais, pas. Là ça fonctionne bien, les gens ont bien compris, mais on répétera jamais assez. Retweetez la photo que vous voyez sur mon compte @SAKO et on va vous dévoiler une grosse surprise pour vous tous sur mon compte Twitter. Allez cliquer, allez RT avec SAKO pendant quelques minutes encore avant de rebalancer justement Maudit soit les yeux fermés avec la version où il y a du monde hein, de Sion. Il y a Youssoupha, Tunisiano, Lino aussi, Akhenaton, Vust, Millionaire. On repart sur Soprano. Sur un de tes morceaux, L'air d'un con. L'air d'un con. Allez, c'est un inédit celui-là, qui est un cadeau exclusif pour vous ce soir. À nouveau production Nus et Soulfly, jamais entendu nulle part. Un petit délire, une petite balade, une petite ritournelle. Big up à toutes les demoiselles. Big up à tous les jeunes qui nous écoutent. Prends ta chérie dans les bras. Fais chauffer du thé. Passe un bon moment. C'est la nocturne sur Sky. Je ne m'appelle pas. Et ça, KO Live, yes. RT, RT, RT, @SAKO. Elle est si belle, si belle. Hey. J'ai rêvé mille fois. Ça s'appelle l'air d'un con. Pouvoir attirer. Ça nous arrive à tous, mon pote. maintenant voilà. Yeah. Voilà qu'elle me sourit. J'ai Total exclu la nocturne, mon pote. Ça fait des mois que je la croise dans le métro à Châtelet. Je reste en traître à la regarder. Que je souhaite en secret qu'elle m'ait remarqué. Des mois quand t'arrives et en gare de Lyon, je la regarde quitter la station, paralysée, j'ai l'air d'un jeu. Je rêve déjà de nos week-ends à la campagne, de chandelles, de fraises, de champagne, de dentelles et de scandales, ouais. Et je ne sais rien d'elle, non, même pas son prénom. Non. Elle vient dans ma direction, elle me regarde, j'ai l'air d'un con. Big up à tous ceux qui nous écoutent, vous êtes bien sur Sky, c'est la planète, c'est la nocturne de Sako. Mais là j'aimerais être à des kilomètres, je ne sais plus où me mettre face à tant de perfection. Oh, dis-moi pourquoi, je ne m'appelle pas Vincent Cassel. Big up à ma main bus, lyriciste. Ramène Négus, ramène Milio, ramène Product. Just good music. Voilà maintenant 2 minutes que nous parlons. Après de longs mois d'hésitation et une panne entre 2 stations. Ses talons ne ramenant mon front qu'à son nez. J'ai grimpé sur la pointe des pieds. J'ai l'air d'un con, elle m'a cramé. Mais au fil de notre pauvre discussion, Cendrillon retrouve taille humaine et moi le poids de la désillusion. Elle s'avère profonde comme son sac vidon, amère et sombre est la conclusion. Je voudrais fuir mais elle tient bon. Yes. Moralité, ne pas se faire avoir. Des filles sont plus belles à voir qu'à écouter parler parfois. Et à penser du fond de son caleçon. On vit toujours de toute façon par avoir l'air d'un con. Sauf la Yenus à la prod. Saka au mic. Premier single dans les bacs le 20 avril. C'est toujours comme ça. Je cède aux lois de l'attraction. Totale exclusivité ce soir. Que je fous là, je suis comme un con. Zéro 06 mon pote, ça c'est la vibe chez nous, le soleil, les palmiers, hey. Laid back. Planète rap. 100% rap français. 100% exclusif. Big up à ma man Lino. Big up à ma man Akhenaton. Soprano. Tunisiano. Allô. Ouais, allô. First lyriciste. Ouais, c'est moi. Millionnaire. Et moi-même SAKO. Ouais, je t'appelle ici parce que j'ai écouté les instrus là pour taxi et. Maudit soit les yeux fermés. Franchement, ça le fait hashtag MSNYF. Maudit soit les yeux fermés. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures. Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Ça c'est cadeau, papa. Fais ce qui te plaît, hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre que ce que je suis. Chaque jour me dicte ces lignes, en souligne les plus tristes. Je prie plus, je flippe, rie peu, je parle de moins en moins. Mon seul lien avec les miens reste l'écriture. Une délivrance, elle me libère, mes délires dansent, mes résidences me soutiennent. Faut que je déballe tout, le mal me rend fou. Faut que je parle, qu'on râle, je m'en fous, je m'étale devant vous. Souvent, je lutte au plus haut degré. Je planche pour écrire un sourire, mais ma plume flanche. Feuille blanche étanche aux choses gay, c'est étrange. C'est pas que je veux pas, mais je peux pas. J'ai pas la tête à la fête, c'est peut-être que je ne suis que le fruit de mon époque. La vie se comporte durement, m'impose indûment cette prose puante à haute dose. Une forte névrose à son fait m'isole. Comme Travis Bickle, pour que je rigole, faut que je picole. Mes textes, je voudrais que t'en rimes, mais je dis que ça part mal. Croire en demain, on a le droit, mais au fond, je m'attends pas à tant que ça entend sale son, garçon. Si ça sent le souffre, c'est que je te souffle ma vie. Que s'ouvre à toi ceux qui souffrent. Alors profites-en tant que ce n'est qu'un disque. Que tant de fatalité crasse ne reste que ma réalité. Si j'arrivais seulement à rire, mais rien ne m'amuse. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions durent. Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais. sais, les tensions durent. Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Déjà 2015, l'avenir est sombre dans les villes du monde. Chante tant d'hommes tombent dans l'ombre. Grand nombre d'anges déchus, d'existence en dessus dessous. Déçu je suis, dès le début j'ai su que Jésus se fout de nous. De suite je l'ai lu dans les yeux des miens. Témoins forcés de forfait pour les moins. Exposer les mains, liées, la vie m'impose ses thèmes. Et que je n'aime ou que je n'aime pas n'est pas le problème, j'en parle quand même. Dénué de sens, dénué de scène, chaque jour me blesse. Et même si c'est ainsi, ça me laisse pantois. Reste que je ne peux l'admettre, ça me cite voir ces trucs. Le temps et les gens passent, mais rien ne change, personne s'arrête. Aujourd'hui, faut plus compter sur autrui. C'est comme ça que le monde marche et sèche quand je cherche à comprendre. Écrire autre chose, je voudrais, je suis sincère quand je dis ça. Mais on ne reproche pas à l'aveugle de ne pas voir chez ça. J'ai 23 ans, le ventre vide, avide de prendre grosse chose. Peu commode, je m'accommode mal des modes de vie. Alors que me reste-t-il? Même ma musique, plus le chien. Que suis-je en droit d'espérer pour demain? J'en suis là, cinglance constat, me consterne et me concerne pas que moi, conscient de ça. Comment lâcher pour la risée d'iriser lyrics? Ce serait tissé d'hypocrisie, alors je lâche pas l'affaire. Et maudit soit les yeux fermés. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions durent. Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions durent. Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Total exclu, la nocturne, cadeau pour tout le monde. La cover de Maudit soit les yeux fermés avec Lino, Soprano, Tunisiano, Akhenaton, Vest, Millionnaire, moi-même Sako. Live sur Skyrock. On était gâtés un soir. Ouais. Maudit soit les yeux fermés. N'est pas revenu les mains vides. Tu penses à quoi en le réécoutant là, cette nouvelle version? Tu penses à la première version ou tu penses maintenant à 2015 et ce qui va arriver? Ouais, non, c'est le point de départ de la suite. Et quand j'entends cette version, je suis assez content parce qu'elle est vraiment réussie. Et quand bien même c'est tout identique à l'original, je trouve qu'elle a sa propre identité. Les mecs ont chacun ramené leur vibe et se sont réappropriés le morceau. Surtout qu'ils ont chacun que des petits morceaux. Donc c'est très dur d'imprimer son identité sur une petite durée. Sur le texte? Je trouve que ça fonctionne, ouais. Bah ouais, c'est. Je trouve que ça fonctionne bien. Et c'est ce que tu disais, c'est bien, ce serait bien qu'on le voit un peu plus souvent aussi dans le rap, voilà, pour. Exactement, ouais. Pour parler de l'histoire de cette musique. Exactement. Savoir célébrer ce qui nous appartient. Merci en tout cas pour cette nocturne, Sako. Merci à toi de m'avoir reçu, c'était vraiment super bien. Et je vois que les retweets, ça a bien fonctionné. Bah oui, parce que maintenant tu as quelque chose à annoncer alors. Voilà, donc, après tous ces RT qu'il y a eu depuis le début de soirée. Pour vous récompenser d'avoir autant retweeté, merci à tous d'être restés déjà si tard. Sur mon compte Twitter, tout de suite, on vous dévoile le clip de cette cover avec Lino, avec Soprano, avec Tunisiano. Ah, parce qu'il y a des images qui vont avec. Ouais, c'est ça. Il y a le clip exclusif, voilà. Vous avez suffisamment retweeté, donc on vous le balance tout de suite. C'est pour vous, c'est cadeau. Et c'est une exclue la nocturne sur Sky, merci beaucoup. Et ben, ça continue reçu. Donc maintenant avec le visuel de ce morceau, Maudit soit les yeux fermés. Ça. Alors dans l'ordre, on rappelle, alors il y a les retweets avec ton ta page Sako, ouais, at Sako. Et le 20 avril arrive une ville, morceau qu'on a passé tout à l'heure. Qui est disponible en précommande dès ce soir. Et le morceau, la cover Maudit soit les yeux fermés, qui est gratuit, disponible à tous les gens qui vont précommander le single Une vie, qui le trouvent dès demain, enfin dès maintenant tout de suite là. Sur le net. Et bah allez cliquer, merci à toi en tout cas Sako. Merci de m'avoir reçu Fred, c'est super cool. L'aventure continue. Et l'aventure continue et je suis content d'être ici. Et ta fidélité m'honore. Et bah ça fait toujours plaisir de te recroiser. On t'attend donc pour la sortie du projet, on aura l'occasion de se recroiser. Ce sera là pour la deuxième partie de l'année 2015. Super. Merci à toi Sako. Bonne fin de soirée. Merci à vous tous, le son continue, la nocturne 100% rap français. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. C'est reparti pour le son de la nocturne 100% rap français avec notre invité cette semaine, Caris, qu'on écoute maintenant. Et le morceau Trap. Trap. 270 poteau. Sur le trône avec une couronne mortuaire. Faire entrer des tonnes complices avec les autorités portuaires. J'ai beaucoup trop souffert, trop fainéant pour le missionnaire. Si je ressors les couverts, position de la petite cuillère. Bad bitch, bad bitch, bad bitch, bad bitch, grosse cuisse et bonnie. C'est pour elle comme Tony, je fais couler le sang et la sauce Brittany. J'ai appris que les hommes veulent vibrer et quitte à se faire lever. Que les femmes adorent baiser mais n'aiment pas se faire baiser. Dès que mon nom est prononcé, l'atmosphère est lourde de menaces. Un chat dans ma besace, enculé Sarah, c'est tenace. Je veux juste que les billets s'empilent, ma bague sur le micro s'enfile. Pendant que ces PD s'enfilent, que les traits agonisent tranquilles. 2-7-0 cartel, double A, je le martel. Je viens te sauver ma belle, ce soir tout droit dans ma belle. Elle veut pas qu'on voit sa tête, mais elle veut qu'on voit son cul. C'est le monde à l'envers, les yeux de ma mère, je ne comprends plus. Je suis tellement compté que les rappeurs ne savent plus comment faire. Je suis pas sur ton son mais on parle de moi dans les commentaires. Comment tu peux faire confiance à tous ces nègres attendants? Peux mourir pour un pote mais abandonne la mère des enfants. Tu connais déjà l'histoire de mon gros orteil. Parlons de mon casse et de mon oseille. Lève pas avec le canon, te cache au soleil. T'es un gros cisra, mais ta fille va coucher d'un carlouche. Baille pas pendant que je rappe ou ma huc va tomber dans ta bouche. Obligé, il faut que les douilles que sorte le bloc dans le bloc. Faire du bruit car les poules veulent chanter plus haut que le coq. Viens émincer les feuilles de coca pour une bonne préparation culinaire. Je leur mange, je leur dis que c'est meilleur que des chécras, c'est une escapade lunaire. Pétasse, j'ai envie de voir tes gros seins. Viens, on se fait un sex cam. Négro, tu veux voir mon gros flingue? Appelle-moi par FaceTime. J'prends l'industrie direct par le bout. J'prends même pas le temps de lui rouler une pelle. Le chargeur du AK est full. Il n'y a pas que la Red Bull qui donne des ailes. Décoré par ma passion. Beaucoup de liasses, donc beaucoup de papiers. J'participe à la déforestation. Mais j'veux être riche pendant les 4 saisons. C'est la grosse pute de juge qui a raison. Le chemin le plus court pour faire de l'argent passe par la casse prison. Mais j'veux quand même égorger son chaton. Et j'veux quand même enculer le maton. L'atmosphère est tendue, je suis certes plus attendu. Tu m'as bien entendu, t'es qu'une merde qui cuit dans son jus. Rap, laisse-moi la grappe, bitch, laisse-moi la grappe. Dès que je fais une sieste, tu fais de la trappe. Dès que je fais un geste, tu te manges une frappe. Rap, rap, rap, rap. Laisse-moi la grappe, bitch, laisse-moi la grappe. Dès que je fais une sieste, tu fais de la trappe. Dès que je fais un geste, tu fais une frappe. Trappe, trappe, trappe, trappe. Explicit lyrics. Il faudra me tuer, peu importe la couleur. Tony sans salarié ouvert, le double R et puis couleur. Mon négro, le double R et puis couleur. Mon négro, je ne coopère pas sous la couleur. J'suis tellement loin dans les bails noirs, très noirs, t'as Illuminati. J'la mets jusqu'à la jugeur comme si j'baisais Mimi Mati. Sont tous des collabos dans l'industrie, moi j'suis dans le maquis. J'ai le 06 à John Rambo. Mon char d'assaut, on va les parquer. Ils vont brûler des cierges, ils vont brûler des cierges. Moi j'allume un cigare gros. J'vais les fumer, les fumer, les fumer. Comme dans les rues de Chicago. J'ai la formule, leur pupille se dilate. Pas besoin d'aller chez Tripago. J'ai caché mon magot de pirate entre Key West et Key Largo. Tu crèves ou tu marches? Pas les couilles de monter les marches. Mon équipe laisse tomber les masses. Parle dans l'équipe pour faire tomber les masses. LVMH, LVMH. Nabe, Ano, mucho dinero, yo te amo. J'ai Al Pacino à mon derrière. NSA dans le Merco et mon derrière. Tu crois que c'est un jeu? T'inquiète. En première porte sera la dernière. J'en serai pas là sans tous mes négros. J'te fume de speed comme 100 000 euros. En spécialité, leur glisser dans le cul mieux que Candeloro. Le game, j'l'ai niqué. On entend moi sa grande gueule. J'ai perdu mon rôle sur un combat. Je n'en ferai jamais le deuil. Mon négro, mon négro. Je n'en ferai jamais négro, le deuil. Mon négro, mon négro. Un affût de monter les mœurs. Mon négro, mon négro. Mon négro, mon négro. Mon négro. Nabe, Ano, Mucho Dinero. Yo te amo. On porte nos couilles, toi tu portes l'œil. Ma liasse de billets ne tient pas dans un portefeuille. Je l'emporterai pas dans mon cercueil. 9 mm quand je ferme l'œil. En fer à gamo dans le dernier gamos. Jet privé au Mexique pour un tacos. Ils ne remplissent que le Bataclan. Leur fanbase tient dans la boîte à gants. J'ai Al Pacino à mon derrière. NSA dans le Merco et mon derrière. Où y'a le plus de négro? C'est la terre mère. Ma première parole sera la dernière. J'ai perdu des héros et l'auto. J'pèse comme les 6 chiffres du loto. Quelques négros à terre. Il n'a fallu qu'une seule moto. J'suis un braconté déliminé. A qui j'fais la guerre, faudra qu'il me. J'suis pas haut comme Teddy Riner. J'suis sous ton balcon comme Val Kilmer. Faudra me tuer. Faudra me tuer. Faudra me tuer. Faudra me tuer. Faudra me tuer. Il faudra me tuer, il faudra me tuer, il faudra me tuer. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Qu'est-ce que je dis depuis tout petit, je fais du sale. Du sale, du sale, du sale, du sale, vainquer du sale. Sortez les outils que pour faire du sale. Du sale, du sale, ta cache est alambicane. Elle sait que leurs outils, elles aussi font du sale. Du sale, du sale, dans le club on fait du sale. Madame la juge, j'ai fait du sale. Camé armé, mes potes inspirent Tarantino content. T'as de la chatte, t'as du cul, c'est tarte au poil ou tarte à teint. Trop clair pour que je t'appelle négro couillon et tu fonds teint. J'ai shooté la teinte, Brigitte Bardot pleure mes anneaux en teinte. T'es un bonobo, je rêve d'éplucher toutes ces bananes plantant. Pour mon père foré avant Nabila, c'est Husky les plantant. Rap, Jerry, Steak, Love, plus chaud d'appel, prends content. On tire les couilles de sauter sur plus électrique que Blanca. On va les encastrer dans le ciment, en faire plein de duplicata. Pas de patati ni patata, que des grosses patates de patata. Fume-moi comme la peste, fume-moi comme le best. Collagène tes lèvres, silicone tes fesses, fume-moi comme Kanye West. Sale, du sale, du sale, du sale, j'en fais du sale. Moi c'est ce que je dis depuis tout petit, je fais du sale. Du sale, du sale, du sale, du sale, vainqueur du sale. Sortez les outils que pour faire du sale. Du sale, du sale, la plaque lâchée d'un ambicane. Elle sait que leurs outils, elles aussi font du sale. Du sale, du sale, dans le club on fait du sale. Madame la juge, j'ai fait du sale. J'ai représenté tous les rintés jusqu'à niquer la santé. Je m'invente pas de vie, même ma vie m'aurait pas inventé. J'ai mes entrées, là où se font éjecter acteurs oscarisés. Ni jeans slim, ni héroïne, hétéro pour terroriser. C'est fait que le bobo, je suis pas votre blague de service. Ré, ré, joue de la mitraillette, tel un guitariste. Sorti du hep, s'ils veulent que j'y reste. Je suis dans les crampons de CR7, eux dans les chaussettes, tel un gireuse. Enfance difficile, infernale et la machine. J'ai pas connu l'équitation, je suis pas vos bad boys fragiles. Cœur, on les fascine, invité d'honneur, défi. filet de mode official Kaira. Check mon bras d'honneur. Du sale, du sale, du sale, j'en fais du sale. Moi c'est ce que je dis depuis tout petit, je fais du sale. Du sale, du sale, du sale, du sale, rien que du sale. Sortez les outils que pour faire du sale. Du sale, du sale, la tata c'est un lambicane. Elle sait que leurs outils, elles aussi font du sale. Du sale, du sale, dans le club on fait du sale. Madame la juge, j'ai fait du sale. C'est le hella, hella, mais où est Rome? Je retombe toujours sur mes pattes et je vous mets oh. Je suis coupable, je fais le bon, car je montre à l'éclair, oui. Liberta est trop le beau, j'en ai le barreau de Paris. Sur à écoute, trop de marabouts sur les côtes, je fais le nécessaire pour sortir les miens de la merde. Sur un yacht, plus c'est jaloux, souhaite ma chute, plus je la fais de l'ombre, non pas le truc. Juste un buzz de langue de pute, ma Ferrari leur casse le huc. Sale, du sale, du sale, du sale, j'en fais du sale. Moi, c'est ce que je dis depuis tout petit, je fais du sale. Du sale, du sale, du sale, du sale, rien que du sale. Sortez les outils que pour faire du sale. Du sale, du sale, la tata c'est un ambicane. Elle sait que leurs outils, elles aussi font du sale. Du sale, du sale, tant que l'on fait du sale. Madame la juge, j'ai fait du sale. Des soldats qui veulent du sale, crier sale. Des ladies qui veulent du sale, crier sale. Face du sale, première puissance de la capitale. Ousne. C'est la nocturne avec Rof du sale. La planète nocturne. Et il débarque lundi dans Planète Rap toute la semaine. Cynique avec son album à découvrir et sortira le 13 avril. C'est dans la nocturne 100% rap français. Puis un autre membre du label 609 derrière, ce sera l'artiste. Extrait de son album qui cartonne Phénoménaux à découvrir. La drogue nous a baisé la tête. Ma parole, on respecte les grandes latesses. On parle mal à la daronne. Parfois on rit du mal. Ridicule, on met des armes dans nos clips. On craint plus Dieu, on flippe du tribunal. Des fois je comprends plus l'homme. Il aime sa go mais tape du poing. Pour lui la carte fidélité sert au kebab du coin. L'enfer il s'y promène. Main dans les poches, il a les clés du nouveau Porsche. Mais il préfère voler des Citroën. Ils interdisent le joint. Preuve à l'appui pour la vie des gens. Pourtant ils vendent du vin depuis la nuit des temps. Alors ils signeront mon arrêt de mort. Parce que fumer ce n'est pas bon pour la santé. Parole de vigneron. Aimer peut faire du mal. En cachette, allez les bleus, femme battue, elle s'encourage, allez les bleus. Avoir un prince charmant, elle te rabâche, avoir ce triste but faux, elle ne s'attache qu'au roi des fils. Le royaume de la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe, taille spliff à la bouche, nique tous les honneurs, tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Au royaume de la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe, taille spliff à la bouche, nique tous les honneurs, tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Si on parle comme des bénévoles, limite pâle, on prétend que c'est la crise. On met 1000 balles dans un téléphone. Des hommes en chute libre, en vrai ça survit. Des durs dans leurs clips pendant que leur mère mange que des curly. Je ne cautionne personne, l'homme est maître de lui. Ouvrir le feu est aussi bête que du maître de l'huile. Il parle de liberté, font de la dictature. Demain si je vous baise, m'en voulez pas, c'est une caricature. Ambiance parano, aucune tendresse envers sa mère. On dit je t'aime à des putains, on n'en pense pas un mot. J'ai peur de ce qu'elle devienne. Elle ne couche pas le premier soir pour faire la tasse, elle attendra le deuxième. On le sait désormais, tu perds la vie en garde à vue. Aucun voyou n'est plus dangereux que le quai des orfèvres. Il parle de l'islam, polygame, tous des faux culs. La première dame de France le est royaume conçu. De la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe, taille spliff à la bouche, nique tous les honneurs, tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Au royaume de la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe, taille spliff à la bouche, nique tous les honneurs, tease comme un ouf pour être ivre de bonheur. Quand on est jeune, on veut rapper sa ville. Paradoxal, rester ici à 35 piges, ça peut rater sa vie. Bagarre au verre pilé, faut assumer, on dit aux petits de pas fumer. Ce qu'on préfère, nous c'est les faire dealer. Ils prennent la peine de mort, ces fils de chiens, ils ont le même harnais. Ils coupent la main qu'ils ont eux-mêmes armée. Donc ils crient liberté, port d'armes. Les calages deviennent moins rares que certaines Jordan. Gire, de quoi souiller son linge. Contradiction, c'est le frère dans l'addiction. Tu parles de Dieu en train de rouler son ouinge. Pas de raison valable. Contradictoire comme à Le Pen au rayon halal. Le royaume de la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe. T'as esprit à la bouche, nique tous les honneurs. Tise comme un ouf pour être ivre de bonheur. Au royaume de la triche, vie paradoxale, riche grâce au crime, au football ou à la boxe. T'as esprit à la bouche, nique tous les honneurs. Tise comme un ouf pour être ivre de bonheur. Rap français, planète rap. La nocturne. J'ai grandi dans la street, là où tout va si vite. Je récolte ce que je mérite, je fais partie de l'élite. Plus je bois des litres, plus je fais des hits. Plus on me fait les sites, mon Dieu, suis-je un hypocrite. Là d'où je viens, on ne chante pas. Man, je descends d'une montagne. Tu n'entendras que des tam-tams, aucune bouteille de champagne. Tu rentres bourré au grec, tu demandes si la viande est halal. Tu veux rester jeuvière, donc ça restera dans les annales. Tu veux virer les colons. Tu veux lâcher des colons. Mais si on me proposait le million, tu m'enverrais dans ma tombe. On vit dans un paradoxe. On connaît le chemin du paradis, mais on se laisse conduire par un tox. Un faux ou un tox. Hypocrite, hypocrite, hypocrite, hypocrite, hypocrite. J'ai grand. Je suis, on ne chante pas. Man, j'habite en banlieue. Tu n'entendras que des bam bam comme ça que les ennemis se disent adieu. Kofar nous prennent pour des termites. Panorama de merde, alors on fonce dans l'illicite et on les fait flipper leur merde. Tu prends des risques pour ta nana. Marrakech, Punta Cana. Au casino, tu fais le hella. Mais tu délaisses ta maman. On vit dans un paradoxe. On connaît le chemin du paradis, mais on se laisse conduire par un tox. Un faux ou un tox. Hypocrite, hypocrite, hypocrite, hypocrite, hypocrite. J'ai grandi dans la street, là où tout va si vite. Je récolte ce que je mérite. Je fais partie de l'élite. Plus je bois des litres, plus je fais des hits. Plus on me félicite. Mon Dieu, c'est jamais hypocrite. Là où je vais, on ne chante plus. J'irai m'y faire juger. Où les rois ne seront plus que de simples sujets. Esclaves du créateur, je ne cherche pas le trône. Mais bon, le game master, si je le survole comme un drone. Papa m'a dit mon fiston, il ne respecte que le bifton. Remplis ton cœur de béton, car un jour nous nous quitterons. On vit dans un paradoxe. On connaît le chemin du paradis, mais on se laisse conduire par un tox. Un faux ou un tox. Hypocrite, hypocrite, hypocrite, hypocrite, hypocrite. J'ai grandi dans la street, là où tout va si vite. Je récolte ce que je mérite. Je fais partie de l'élite. Plus je bois des litres, plus je fais des hits. Plus on me félicite. Mon Dieu, c'est jamais. Je fais partie de l'élite. Plus je bois des litres, plus je fais. jeune hypocrite. Deux en blue, paire de Gita sur le pif. Troisième doigt levé juste pour le kiff. Tous les jours mes frères sont dans le bendo. C'est un pour la monnaie, deux pour le bif. Je crois bien qu'il est temps que je change de ce pull. Mon bigo commence à me faire des faces chelou. Je crois bien qu'il est temps que je change de te pull. Celle-ci m'a pris pour son raclo, ça vient grave relou. On arrache pas de vieille, pas de ça chez nous. Charbonne tout l'hiver pour faire l'été à Cap Salou. Toutes sortes de dope, coke, weed, hache, caillou. Toutes sortes de bolos, bob, taureau, noir, robe, pas de jaloux. Je pense 16 extra quand j'ai pas d'oseille. Je mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Quand ce maudit Ben. T'es max, cabré. Taïra, laisse ta calmer. Air max, craqué. Sur bête poche, c'est juste un coup de la night. Et j'fais l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bando. Bénéfice planqué dans le matelas. Billet bleu, billet jaune, billet pourpre. Les incoums, téléphone du carp là. Déjà 4 piges qui n'étourent. Soir c'est tous mes youvas sont de sortie. Bouteille à la bleu, ta gars, même si personne tisse. Grec, belvé, trompé, insolent, effronté. Même ta belle est domptée. On veut pas finir en chien comme tous ces graves en schlaguer. Rien que les feux que prennent en photo, ils sont graves aux aguets. Mais nique sa mère, on tape la démarche, on est salement swagué. Plaqué DG, Givenchy's et Balenciaga. J'pense 16 extra quand j'ai pas d'oseille. J'mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es max, cabré. Taïra, lève ta calmer. Air max, craqué. Sur bête poche, c'est le train toute la night. Et j'fais l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Crois pas qu'on joue. Dans le bendo. Si j'traîne toute la night. Et j'fais l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Dos c'est la famille. Joue. DJ Corp. Pas jaloux. Il y en aura pour tout le monde. RS Boeka. Dossé à l'instant dans la nocturne. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. 100% rap français avec Gradure, La Crime, qu'on salue, et Gradure qui débarque, tiens, pour tous ceux qui sont dans le 7-7 du côté de Nemours dimanche soir au Baya Club. C'est la nocturne, c'est 100% rap français. Des bolos, des schlags, des gros. De la peu d'un c'est des roses. Des guetteurs en bas de chaque tour. les keufs tournent autour. Dans la mer, c'est chacun sa poire. Mais c'est pas tard, pense tout savoir. Radir, radir avec McNulty. Que les vrais gangsters se cachent au pouvoir. La Rome à François Hollande. Le rap français, je vais me l'accaparer. Tu veux faire la guerre avec un vrai soldat? J'espère que t'es bien préparé. Enrouler des chars, on manie des armes. Nique ta mère, toi tu léchais des chats. T'as jamais palpé plus 10 000 euros. Pourquoi tu jattes? Ta soeur la salope, elle a tourné comme un taille de tchat. Dealer la crime, je vais tout niquer comme tu l'as fait dans le 9-4. Nique bien ton peu, je rappe qu'avec tes frères, un peu des vrais nègres. Pas ta suce et goro pour en être la tâche de sperme sur le micro. Dégage, n'est quoi? On nous plein les lèvres. S'il y a la somme, bien sûr qu'on les lève. Élevé par les loups, faut pas qu'on nous énerve. Dis-la mon chez gay, ouais que du bluff. Y'a ceux qui ont des meufs et ceux qui ont des nefs. Ceux qui ont des nefs, ceux qui ont des nefs. On était déjà vautours quand vos mères pendaient l'œuf. On boucave pas poteau devant la cour. Vous baisez vos mères, mon gros on est là pour. Et le biff on la bourre. Tu sais qu'on s'avance, qu'elle la vie par le cul. Comme ça qu'on fait l'amour, comme ça qu'on fait l'amour. Le biff ou le placard, le nez dans les affaires. Et toi dans la cam, jamais fumé de la caille. Pourquoi faire du vacarme? On a des silences, je viens donc voir dans ma cave. Je sais qu'en vrai, tu rêves d'être à moi. Y'a des grosses couilles, des mitraillettes à mort. Te niquer ta mère, c'est comme ça qu'on t'aborde. Malgré tous nos péchés, y'a qu'un lac qu'on adore. J'ai fait 800 bandes, j'ai roulé 10 bêtes. 40 kills de bœuf, 6 litres en 10 bêtes. Toujours en 10 bêtes, couleur 10 bêtes. Pick up à l'Hilder, la mère à 10 bêtes. J'te baise et tu payes, ramène ta chatte. On met des verres de champagne pendant mes achats. Sale fils de putain, t'es le boutin. T'es Philippe plein, bien sûr qu'on est plein. Tout pif au rapport, la vie sur le ciel. La pluie, le beau temps, j'suis Catherine Laborde. Ta soeur la putain, dis que dans 10 jours t'as pas mon butin, j'suis seul maître à bord. On a des meurs sous les vestes. Même quand je dors, je les baise. Des meurs sous les vestes. Du bif, 6 litres sous la presse. Des meurs sous les vestes. Même quand je dors, je les baise. Des meurs sous les vestes. Du bif, 6 litres sous la presse. Je fais croire à cette petite salope que j'avais du peur. Je lui ai dit que je connaissais 2-3 foutes juste pour voir ses fesses. J'ai fait croire à ce petit fils de pute que je vendais de la scène. Je lui ai donné rendez-vous, cagoulé, calibré pour prendre son père. Bah ouais, négro, je l'ai douillé. Ouais, un peu, je l'ai douillé. Le plan marchait, la disque était passée. Ouais, négro, je l'ai douillé. Lui pensait pour mes frères écroués. Tous mes frères oppressés. Inch'Allah que vous sortez vite. Tous mes frères écroués. C'est la nocturne avec Gradure, avec la crime, 100% rap français. Nouveau son de Bilal à découvrir dans la nocturne. C'est tout ce que j'ai, 100% rap français sur Skyrock. Et après, il y aura Bakar. Planète rap, 100% rap français. On m'a conseillé de sucer, j'ai dit non à la Wallen, où mes principes me mènent. Allah wa'alem. Tu veux du flow de la punch? Allez nique ta mère. J'suis dans la street, j'habitaille les gueux. J'en ai rien à foutre ton rap de merde. Toujours le même, plus à la parisienne. J'vois que les drogues se prennent par le zen. J'vois que c'est les sales qui paraissent. J'vois que c'est les pauvres qui parlent d'oseille. Wallah qui compte me clasher. Wallah qui compte me clasher. Wallah qui compte me clasher. Aura des couilles même pas les siennes. Des barres de rire. Loin de ce game, de cette garde de rive. La racaille dans la boîte à rythme. Écoutez jusqu'à pointe en pute. Rancunier, on sera jamais quitte. Regarde-moi, dis tes bouches à but. Dites à ces mères qu'ils arrêtent leur speech. Faites du bif au lieu de faire des films. J'mène une life un peu trop bizarre. Un peu trop bizarre. Un peu trop bizarre. À la barre, j'ai maître des armes. J'ai maître des armes. J'ai maître des armes. Un vécu qui pue le désastre. Pue le désastre. Des drames, des grammes et des armes. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Romain Répète, AGN, j'ai grandi dans ces HLM où tu peux compter sur tes couilles. Ton index est au 3-5-7. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai. Romain Répète, AGN, j'ai grandi dans ces HLM où tu peux compter sur tes couilles. Ton index est au 3-5-7. Venga Benga Benga, ils ont tous le pif dans la drogue. C'est des fous, que ce coca, des voyous ou que ce vodka. Ah frère, si ton frère n'est pas allemand, le décapote pas. Tu me racontes quoi, ferme ta boca et tape la locale. Toutes ces putas. Fuck le game, j'ai rempli de farceur. Fais-moi de la place, la putain de ta sœur. Tu me vois monter quand t'es sur le phaser. Faut pas t'attendre à des coups de taser. Un attaquant, c'est comme un grossiste. Un attaquant, c'est comme un grossiste. Un attaquant, c'est comme un grossiste. Il aura toujours besoin d'un putain de passeur. Sur mes pas, y'a que sang et sperme. Ils crèvent de désir tout ce qu'espère. J'fais du bif avant qu'on m'enferme. La rue laisse un poil, même les imberbes. T'es perdu, tu penses qu'à la baisse. Tes sous partiront en même temps ton ex. Réveille-toi, fais des espèces. Au lieu d'être là, étrangler ton sexe. J'mène une life un peu trop bizarre. Un peu trop bizarre, un peu trop bizarre. À la barre, j'ai maître des arts. J'ai maître des arts, j'ai maître des arts. Un vécu qui pue le désastre. Qui pue le désastre. Des drames, des grammes et des armes. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Romain et Ben, rage et haine. J'ai grandi dans ces HLM où tu peux compter sur tes couilles. Ton index et ton 3-5-7. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Romain et Ben, rage et haine. J'ai grandi dans ces HLM où tu peux compter sur tes couilles. Ton index et ton 3-5-7. Voilà, je vais tous me les faire. Sur la vie de ma mère, oui, elle qui a tant souffert. La seule pour qui je pourrais prendre du fer. Je sais que je les gêne, leur faire du mal, c'est tout ce que j'aime. Je prends qu'on mette l'impardonnable, mais je pense à mon fils car c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai. Romain et Ben, rage et haine. J'ai grandi dans ces HLM où tu peux compter sur tes couilles. Ton index et ton 3-5-7. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Romain et Ben, rage et haine. J'ai grandi dans ces HLM où tu peux compter sur tes couilles. Ton index et ton 3-5-7. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Planète Rap sur Skyrock. Mat, je me lève, la tête lourde pour pas me faire tricard. Je cache mon sac, je vais ce qu'il est court. Comme d'hab, j'ai le barreau matinal. Après de sortir les pieux, je roule un petit spliff amical. Me reste du temps avant mon rencard. J'ouvre la fenêtre et les volets, je vois que le temps est bancal. Une petite douche, un coup de rasoir. Et puis merde, pas le temps de refaire la boule à Z. Je ferai ça plus tard. Je descends les marches de chez moi, tranquille. Y'a une vieille qui remonte ses courses à la main. Je m'en fous, je l'esquive. Mon pote Moussa me prend en gauve. Au pied du bat, on va se prendre un petit carreau au PMU d'en face. S'il te plaît. Un coup de fer retentit. Ça pue les histoires à plein nez. Viens, on se casse d'ici. A plus refrain, je m'arrache et prends le taxi. J'ai RTV sur les champs pour un passe-passe où je prends Yébi. Dans ma poche, mon black B vibre. Je décroche, c'est mon rencard de midi et demi. Alors mon pote, tu es déjà là, j'ai pris un peu les devants. Je compte sur toi, ça vient à l'air, vu que j'ai très peu de temps. Pas de soucis, bye bye, je te dis à tout de suite. J'ai pas confiance, alors j'hésite pas de craquer la puce. J'arrive au point de rendez-vous, il m'a l'air froid du regard. Quoi qu'il arrive, j'ai mon bout de métal sur le trois quarts. Un peu le temps d'un salut, qu'on fait le passe-passe. Et tu te foutrais pas un peu de ma gueule, il manque un peu de cash. Et comment ça, tu veux me la mettre? Allez, prends ça, je le braque avec mon feu, le faux sol et le fatza. Et sous le t-shirt, du petit bâtard avait un micro, à peine le temps de m'arracher. J'avais déjà le keuf sur le dos, main en l'air, pose ton arme. Blah, je me fais plaquer, je suis mort, j'avais du sursis. En plus, j'ai le sac chargé. En ouverture de ce journal, une information de dernière minute vient de tomber. L'arrestation d'un adolescent de 16 ans, avenue des Champs-Élysées, suite au démantèlement d'un réseau spécialisé dans le cannabis qui s'étendait jusqu'au Maroc. Il suffit d'un mauvais geste, d'un mauvais choix, d'un mauvais sort pour que nos vies changent de trajectoire. Mais celles ne tiennent que sur un fil. Si j'avais su que ça basculerait, j'aurais tout changé si j'avais pu. Il suffit d'un mauvais geste, d'un mauvais choix, d'un mauvais sort pour que nos vies changent de trajectoire. Mais celles ne tiennent que sur un fil. Si j'avais su que ça basculerait, j'aurais tout changé si j'avais pu. 9h du mat, je me lève, la tête lourde pour pas me faire tricard. Je cache mon sac, je fais ce qu'il est court. Comme comme d'hab, j'ai le paro matinal. Après de sortie du pied, je roule un joint un peu amical. Me reste du temps avant mon rencard. J'ouvre la fenêtre et les volets, je vois que le temps est bancal. Une petite douche, un coup de rasoir. Et puis merde, pas le temps de refaire la boule à 7, je ferai ça plus tard. Descends les marches de chez moi, au pas de course. Y'a un vieux qui remonte tellement que je descends speed. Ah, je lui fous la trouille. Mon pote Moussa, mais prends toi, Rick. Au pied du bloc, on se pose au PMU, un petit café avec une cloque. À coup de feu retentit, ça devient chaud. Déjà que la veille, une balle avait touché un petit. Ok, vas-y, refrais, on bouge, on a des choses à faire. Paraît-il que j'aurais tiré son petit peu hier. Dans ma poche, mon Black B vibre. Un 06 que je connais pas, je décroche, tant pis. Allô, c'est qui? Ouais, c'est les mecs qui vont tirer dessus. Et pour que tu te branches, je vois du flingue sur un petit chez nous. Mais ferme ta bouche, j'ai rien à voir avec cette histoire. Ça tombe bien, je voulais qu'on se voit. Vas-y, viens qu'on se donne rencard. Ok, RTV après le stade, près du square. On va débrouiller en équipe et on va régler ça. À peine les pieds sur les lieux, nous voilà face à face. Il a déjà son arme à la main, il veut niquer ma race. Comment ça tu craches ton feu sous le tiret? T'as pas pêché au coin, c'est pas moi qui a fumé ton frère. Ça part en vrille, il parle mal, je lui parle mal. Il veut rien entendre, il me braque donc je le braque moi. Qui va tirer sur qui va coucher qui? Là j'ai pris une balle, j'aurais pas dû venir si j'avais su. Flash spécial, suite aux affrontements de deux bandes rivales, un jeune de 16 ans a été abattu en Seine-Saint-Denis. C'est le second homicide du même type dans le même quartier en moins d'une semaine. L'enquête suit son cours. Il suffit d'un mauvais geste, d'un mauvais choix, d'un mauvais sort pour que nos vies changent de trajectoire. Mais c'est ne tient que sur un film. Si j'avais su que ça basculerait, j'aurais tout changé si j'avais pu. Il suffit d'un mauvais geste, d'un mauvais choix, d'un mauvais sort pour que nos vies changent de trajectoire. Mais c'est ne tient que sur un film. Si j'avais su que ça basculerait, j'aurais tout changé si j'avais pu. 9h du mat, je me lève, la tête lourde. J'ai peu dormi cette nuit, j'ai révisé mes cours. Comme d'hab, j'ai le barreau matinal. Après de sortie du pieu, je fais ma petite salade matinale. Me reste du temps avant mon examen. J'ouvre la fenêtre et les volets, je vois que le temps est bancal. Une petite douche, un coup de rasoir. Et puis merde, pas le temps de refaire la boule à 7, je ferai ça plus tard. Descends les marches de chez moi, tranquille. Je donne un coup de mort, remonte pour les courses à la petite dame du dessus. Mon pote Moussa, mais prends tes max au pied du bat. On va s'acheter un paquet de clopes au PMU d'en face. Coup de feu retentit, obligé, c'est les petits en train de faire un coup tordu. Vas-y, refrain, bouge, tèche-moi devant le tromé. J'ai RTV à la chapelle où je dois passer mon bac, en frais. Dans ma poche, mon Black B vibre, numéro masqué, y'a Crico qu'appelle en inconnu. Allô, refrain, j'ai besoin de toi, y'a un bif à prendre. Ça pourra peut-être te permettre de t'acheter une allemande. Oublie-moi, j'ai mon examen, j'ai envie de réussir. J'en ai marre de galérer, j'ai envie de faire ma vie. Il est 10h exactement, c'est l'heure de l'examen. J'ai bossé dur pour réussir, il faut pas que je lâche. À nos plumes, le temps de retourner les questionnaires. À cet instant même, j'ai une pensée pour mon père et ma mère. Les surveillants nous yeutent pour éviter la triche. T'inquiète, je vais leur montrer qu'un jeune d'en bas, c'est aussi faire la diff. Sous le t-shirt, j'ai le cœur qui bat à vive allure. Je me suis défoncé, j'en sors souriant, je me rassure. Les résultats dans la boîte aux lettres. Un mois plus tard, mes parents me prennent dans les bras, me disent qu'ils sont fiers de moi. Et pour clôturer cette édition, nous tenons à adresser nos félicitations à un jeune de 16 ans, issu d'un quartier défavorisé, ayant obtenu son bac avec mention très bien. Il suffit d'un mauvais geste, d'un mauvais choix, d'un mauvais sort pour que nos vies changent de trajectoire. Mais c'est ne tient que sur un film. Si j'avais su que ça basculerait, j'aurais tout changé si j'avais pu. Il suffit d'un mauvais geste, d'un mauvais choix, d'un mauvais sort pour que nos vies changent de trajectoire. Mais c'est ne tient que sur un film. Si j'avais su que ça basculerait, j'aurais tout changé si j'avais pu. C'est la Nocturne, 100% rap français avec Bakar dans la Nocturne. Nouveau son, Nekfeu et Géry, c'est le morceau à découvrir dans la Nocturne. Il prépare son album solo Nekfeu d'un 995 qui est prévu pour le 8 juin. Voici l'extrait, puis après on finira avec une session classique de notre invité qui débarque dès lundi entre 20h et 21h. 100% rap français, planète rap. La Nocturne. Nekfeu et Géry maintenant. Devenu celui dont on rêvait, celui que je rêvais d'être. Tu me suis, tu me suis. Je ne veux pas me réveiller. Une marque de luxe m'a dit on veut pas de rap. Tu connais les chéris. J'ai dit tant pis tranquille, moi je parle app. Le lendemain je me suis tapé leur égérie. Elle avait le visage de Nathalie Portman. Elle m'a dit moi non plus je ne veux pas de vie de couple. Cette nuit je veux me couper de ce monde qui dégoûte. Bébé viens dans mon hôtel et on éteint les portables. J'en connais un rayon. Je raconte pas de tissu. disquette. Elle a mordu l'oreiller comme si c'était un cheesecake. Mais c'est toujours la même, c'est toujours la même. Elle a tenu mes mains, elle a tenu mes mains. Elle m'a dit tu m'aimes, elle m'a dit tu m'aimes. J'ai dit non tu m'aimes, j'ai dit non tu m'aimes. Je le répète, je n'ai pas de repère. Tu n'es pas la seule vraie perle de mon répertoire. Un soir pété sous les réverbères, peut-être que je me retournerai vers toi. Le temps passe, je ne connais pas le surplace. J'ai fini pété au milieu des champs. Dans ma ville de champion, je suis comme une bulle de champagne venue d'en bas. Je veux crever à la surface. Soirée bien arrosée, soirée bien arrosée. Donnez-moi le rosé, donnez-moi le rosé. Le saumon sera rosé, le saumon sera rosé. Le champ sera rosé. McCain, Family Austin, Family Austin. Ça rappelle Woodstock, ça rappelle Woodstock. 5 dans la mini Austin, dans la mini Austin. Le son t'emmène à Houston, le son t'emmène à Houston. Je suis devenu celui dont t'aurais rêvé, celui que je rêvais d'être. Tu me suis, tu me suis. Je ne veux pas me réveiller. La même marque de luxe m'a dit on veut bien ton rap. Tu connais les chéries. J'ai dit non merci, j'ai monté ma propre marque. Et rappelez-moi de rappeler votre égérie. Je ne lui ai pas donné de nouvelles. On n'était pas naturels, on n'était pas nous-mêmes. Toujours en déplacement le soir. Mais ce qui compte c'est le dépassement de soi. Je me dois de profiter de la vie que je mène. Avant que le bonheur ne devienne un autre coup dur. Je n'avais pas les moyens de bien me saper. Maintenant je m'implique dans la haute couture. J'ai vu des gens se noyer, je me permets de détailler. L'effet dur de payer le loyer quand le salaire est faible. En effet se tailler les veines est devenu pour certains jeunes le seul moyen de se faire des grosses coupures. Vu ma con c'est sûr que je suis high. Je me sens proche de LA. Moi aussi je me suis construit sur des failles. Tout le monde est mauvais, tout le monde est mauvais. C'est tellement la monnaie, c'est tellement la monnaie. Tu parles d'amitié mais tu pars dès que tu n'as plus besoin de mon aide. Même sous jet lag, je reste un gentleman. Menteur, c'est dur d'être un jeune qui rejette le mal. Mon cœur irradié au rayon gamma. Laisse-moi tirer de la gamme. Je lis debout dans les rayons manga. Parfois on dirait un gamin. T'es dangereux, nec, feu sur scène. Tu fais de la merde, t'abuses. Prudence et merde, sûreté. Sûreté, ta mère, la pute. Ils veulent me filer des conseils, me filer des conseils. Mon phone télé vibre, mon phone télé vibre. Ils filment mes concerts, ils filment mes concerts. Au lieu de les vivre, vraiment. Tu vois, cette image qu'ont les gens du rap, nous on va changer ça. Planète Rap, 100% rap français. Je suis ce père de famille, je n'ai pas su rouler ma bosse. Plus je me défonce à l'alcool, plus je me défoule sur ma gosse. Je suis cette femme qui rêve d'une carrière dans le disque, qui veut être star du cinéma, qui fera la pute dans le X. Je suis un étranger, dis-moi je peux faire quoi. Puisque je ne fais que déranger, c'est ce que la France veut me faire croire. Sans domicile, défiguré comme Albator. La société me fait comprendre qu'elle prend les hommes pour des labradors. Je suis maton, j'enferme les hommes sans regret. Je prends du plaisir quand je me rappelle qu'on me tapait à la récré. Je suis fugueur parce que mon cœur n'est plus qu'une cicatrice. Parce que les juges me veulent en psychiatrie. Je suis un clown dans un piteux état. Je m'oblige à être drôle pour oublier que ma vie ne l'est pas. Je suis un fou qui a perdu la boule. Puisqu'on m'a traîné dans la boue, je viens dégainer dans la foule. Parce qu'on perd tous la raison. On rêve de brûler les saisons et de voler vers un horizon moins sombre. On veut pas être comme tout le monde. C'est soit on sort de l'ombre, soit on tombe dans l'autodestruction. Parce qu'on perd tous la raison. On rêve de brûler les saisons et de voler vers un horizon moins sombre. On veut pas être comme tout le monde. C'est soit on sort de l'ombre, soit on tombe dans l'autodestruction. Je suis ce type à la ramasse. Tous mes rêves sont à la casse. À cause de moi, ma meuf est à la maf, ma gosse est à la das. Je suis une jeune groupie, je crie comme je respire. Anorexie, c'est mon esprit. Je ressemblais à Britney Spears. Je suis consommateur, je me demande où vont mes thunes. Je suis têtu, alors je fume, pourtant je sais que fumer tue. Je suis un condamné à perpète, Canal Plus. Pour me rincer l'œil, je sortirai dans un cercueil. Je suis un grand malade, courageux. Écoute bien, je suis chauve, mais la tondeuse n'y est pour rien. Je suis un enfant du ghetto comme Jackie. Je dors au CGD car je pratique le home jacking. Je suis une mère de famille, j'ai peu d'argent et quatre gamins. Hier encore je cachais de la viande dans mon sac à main. Je suis un commerçant, le pharmacien dans le quartier. Depuis 20 ans j'ai vu grandir mes futurs assassins. On perd tous la raison. On rêve de brûler les saisons et de voler vers un horizon moins sombre. On veut pas être comme tout le monde. C'est soit on sort de l'ombre, soit on tombe dans l'autodestruction. On perd tous la raison. de riche. J'ai peur quand on m'engueule, tous mes camarades m'en veulent. Millionnaire mais tellement seul. Je suis l'ado en mal de tout, un petit peu trop stupide. Bientôt je ne serai qu'une statistique du taux de suicide. Je suis une femme de ménage, comment te dire que je n'ai pas la haine de ramasser une poussière qui n'est pas la mienne. Je suis un cancre face au mur pour être mutilé. Mais c'est un crime de ne pas savoir multiplier. Je suis un arrivant, je soulage mes yeux quand je les baisse. Pendant que les corbeaux discutent, les chats mangent les restes. Je suis ce jeune rappeur, talentueux mais résolu. Incompris mais content car méconnu. Méconnu, méconnu, méconnu. Parce qu'on perd tous la raison. On rêve de brûler les saisons et de voler vers un horizon moins sombre. On veut pas être comme tout le monde. C'est soit on sort de l'ombre, soit on tombe dans l'autodestruction. Parce qu'on perd tous la raison. On rêve de brûler les saisons et de voler vers un horizon moins sombre. On veut pas être comme tout le monde. C'est soit on sort de l'ombre, soit on tombe dans l'autodestruction. 100% rap français. Planète Rao. La nocturne. T'as voulu clasher SNIK. T'es dans la merde. T'as voulu clasher SNIK. T'es dans la merde. Tu vas kiffer mon pote si t'as du temps et quelques dents à perdre. Alors admets que je suis de spi à la Michael Owen. Ton rap c'est des poèmes, pourquoi tu flammes, t'as le flow à Nolwenn. Pour toi c'est mort parce que je suis riche, toi t'es pauvre. Je suis beau, toi t'es moche, moi je suis un ouche, toi t'es bof. T'en veux encore, mais ça va pas, t'es fou. Plus que tu dis que t'es dans le rap, mais moi j'y suis, je te vois pas, t'es où. T'as l'air bancal, tu joues le beau gosse, mais t'es un gros tonto. T'es déjà vu quelque part, ce serait pas toi le fils à Robocop. Je te plie au mic et si je te brûle, appelle-moi pyromane. Si tu touches pas une bille, arrête le rap, va jouer à Bioman. Tu baffes, parce que mon style te fait l'effet d'une baffe. Après ce clash, tu peux rentrer chez toi. Chercher du taf, tu copies trop, on dirait nous, mais en nul. Allez, c'est sans rancune, dis à ton crew que lui, je prends le jeu. Tu t'en rappelles la fois où je t'ai tapé devant ton crew, quand je t'ai enterré dans un trou, j'ai pris ton pèse et ton pouls. Tu fais pas le poids, petit boxeur, catégorie shit mode. Tu t'es trop fait taper dans mon quartier, on t'appelle Punching Ball. Va dire au revoir à tes remparts, t'as plus aucun rempart. Ton business n'est pas rentable, peut même pas t'acheter des 40 bars. Tu sors en boîte avec tes potes, tu kifferas frapper dans le square. T'es pire qu'une meuf, yo, t'as peur dans le noir. C'est la nique pas, qu'on excite pas, c'est le mitard. Petit, si t'as pas de force, fais comme Popeye, avale des épinards. J'ai du respect, je te dirai jamais plus petit. Mais vite, arrête le rap, repars chez Quick, en ce moment il recrute. Pas besoin de qui, ramène tes potes, qu'on fasse un peu de bowling. Éteint comme une bougie, venu bouillant, t'es reparti en bowling. T'aurais pas dû, tu vas regretter d'avoir pris un ticket. Repartir à tes potes que SINIK t'as bien hérité. Veulent jouer les bagarreurs. Petit, si tu savais que des comme toi, j'en avale trois par heure. Je frappe à la tête depuis que je raquette, ton crew est à la dèche. Va faire un peu de muscu, parce que mes skins t'as l'air d'une canne à pêche. Ici, t'es aux Ulysses, fais gaffe, on manque de tact. Toi, tu sais pas rapper, alors fous le camp si tu veux pas que je te tape. MC, tu pisses le sang et puisque t'es KO, à ce qui paraît chez toi, y'a du trafic de pistolets à eau. Arrête de faire du bruit, ok, bonhomme. Travaille un peu un jour, tu feras la couverture d'ok, podium. C'est quoi le problème, tu veux mes skins, mais bon, t'as jamais pu. Pourquoi tu ouvres ta gueule, tu parles de gun, mais t'en as jamais eu. Oh, à ce qui paraît, tu veux nous rentrer dedans. Un jour, t'y arriveras, mais pour l'instant, repars à l'entraînement. Chez toi, ça ronfle, tu vas faire quoi, puisque ta cité dort. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, même si t'es mort. Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Souviens-toi de cette époque, l'amitié, la cour d'école, abandonné au fond d'une classe, se faire une place à coups d'épaule, jeune et insouciant, agité, je l'ai niqué, l'école du parc, la conseillère, déconseiller l'épreuve du bac. Des photos de classe mal habillées, des gueules de fou, du maillot blanc et bleu marine, un peu serré du club de foot. Souviens-toi quand les anciens se pavanaient au fond du bar, quand y'avait Doom, c'est Isaka, quand ça vanait au fond du car. J'ai gardé ça au fond du cœur, la nostalgie me téléporte. À 27 ans, j'attends toujours que Domenech me téléphone. On était solidaires pour le meilleur et pour le pire. Imaginons le stade de France sur Banpis en ligne de mire, ouais. J'en ai rêvé mais je ne sais pas marcher au pas. Moi qui rêvais de finir pro et pourquoi pas marquer au bar. D'être un joueur qu'on idolâtre, avoir une belle au TTT. Être un mélange en quelque sorte de Ginola et JPP. Bref, quand l'ascenseur sentait la pisse et le whisky. Quand j'arpentais la troisième cour avec le Bix et le Wilfried. Des fois, du 13ème étage je contemplais la lune. Les soirs où il neigeait, le sac poubelle faisait la luge. Aux Ulysses, le maire envoie les enfants pauvres en colo. 400 balles et tu partais pendant un mois en Pologne sous le poids des canicules. Tous les jours à s'embrouiller, mais c'était ça ou bien les camps pour délinquants à rembouiller. Rappelle-toi, on était jeunes, on a souffert, on en a bavé. On n'avait pas la haine d'avoir grandi au pied des pavés. Le temps nous avons bravé, je pense que nous avons bien fait. Soudain j'écris ça pour que tu saches comment c'est gravé. Rappelle-toi, on était jeunes, on a souffert, on en a bavé. On n'avait pas la haine d'avoir grandi au pied des pavés. Le temps nous avons bravé, je pense que nous avons bien fait. Soudain j'écris ça pour que tu saches comment c'est gravé. Viens-toi de cette époque, il faisait chaud, c'était si drôle. Olivier Tom était au top de mes idoles. Toute ma vie j'ai dû comprendre que le chômage c'est la torture. Que quand t'es pauvre et en galère, ton père Noël est une ordure. J'avais un père déménageur quand ma daronne était nourrice. J'avais les sables les plus niqués mais j'ai toujours été nourri. Frère, la fin du mois est dure mais personne ne le montre. Alors on vit en refusant l'aumône, en refaisant le monde. J'ai volé mais c'est comme ça quand les parents te punissent peu. T'es dans les deux ou trois plus grands des fourrailleurs de Ulysse 2. Car tout commence à la naissance avant les flammes, les étincelles. Alors de 11 à 22 ans j'ai tout niqué comme dans un sel. Souviens-toi c'était tout ça, les sourires, les rigolades et les souvenirs de quand Moussa ne disait que des limonades. Souviens-toi de cette époque, des chevelures incontrôlables. Que cette chanson pourrait s'appeler à tout jamais inconsolable. Rappelle-toi on était jeunes, on a souffert, on en a bavé. On n'avait pas la haine d'avoir grandi au pied des pavés. Le temps nous avons bravé, je pense que nous avons bien fait. Soudain j'écris ça pour que tu saches comment c'est gravé. Rappelle-toi on était jeunes, on a souffert, on en a bavé. On n'avait pas la haine d'avoir grandi au pied des pavés. Le temps nous avons bravé, je pense que nous avons bien fait. Soudain j'écris ça pour que tu saches comment c'est gravé. Quand j'étais jeune j'étais deux spies. Petit j'étais une pile, français ou maths j'étais une bite. En cours je touchais pas une pile. J'étais jeune et j'ignorais que tout bascule en deux secondes. Quand les frangins qui sont partis étaient vivants et de ce monde. À cette époque j'étais un môme, j'allais souvent sonner chez Wills. Mais de nos jours les bons amis ne peuvent que s'envoyer des whiz. Souviens-toi du 43, de Kélissa et sa tétine. Du barbecue et des tournois intercités au synthétique. N'oublie pas qu'ici les jeunes ont tous vécu un homicide. Quand ça rappelle même la cave, là où les rats ont élu domicile. J'étais si loin de la barrette et du spliff allumé. La mode à cette époque c'était le grec et le riz parfumé. Y'a pas longtemps, mais tout ceci m'a l'air si loin. Le décor n'est plus le même et forcément j'apprécie moins. C'était l'époque où les darons se chamaillaient de leurs fenêtres. Tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Rappelle-toi on était jeunes, on a souffert, on en a bavé. On n'avait pas la haine d'avoir grandi au pied des pavés. Le temps nous avons bravé, je pense que nous avons bien fait. Soudain j'écris ça pour que tu saches comment c'est gravé. Rappelle-toi on était jeunes, on a souffert, on en a bavé. On n'avait pas la haine d'avoir grandi au pied des pavés. Le temps nous avons bravé, je pense que nous avons bien fait. Soudain j'écris ça pour que tu saches comment c'est gravé. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. C'est la banlieue, tu veux savoir c'est quoi l'histoire. On était 15 dans un immeuble, il faisait froid ce samedi soir. J'étais posé les bras croisés devant des flaques de molars. Les ventes de liasses et de pétasses de ceux qui claquent des dollars. Dans mes souvenirs au fond du Porsche y'avait un banc. Nous étions 15 et parmi nous un de mes sauts avait un plan. Ce soir là l'anniversaire de ses copines tombait à pic. Nous tout ce qu'on voulait c'était se faire pomper la bite. À 23h on est parti, voiture haut de gamme, dernier prix. Ça rigolait mon pote aussi, me sortait les vannes, dernier cri. Sur la route pendant une heure ça fumait le shit de rugby. Nous étions forts et sûrs de nous telle une équipe de rugby. Minuit 5 en arrivant le GPS suivait l'adresse. Voilà comment les trois bagnoles se sont retrouvées dans la tête. Au début y avait deux mecs qui prenaient l'air dans la cité. Visiblement ces chiens de la casse n'avaient pas l'air d'être invités. Quand sa copine nous a ouvert, elle était pas dans son état. Dans un immeuble au 14ème, je me souviens même de son étage. Je m'en rappelle au tout début, j'étais posé, je pétais des spars. Et dans la pièce à l'opposé, ces fils de pute jetaient des regards. Convaincu que c'était nul, j'en avais marre, aucun rapport. J'avais la dalle dans la soirée, je me faisais chier comme un rat mort. Je me rappelle qu'avec trois potes, on est parti près de Châtelet. J'ai dit aux autres, nous on s'arrache, si y a embrouille, vous nous appelez. Ouais, Nicky. Ouais, allô. Ouais, c'est moi. Ouais. Eh, vas-y, faut qu'on passe sur Zulis prendre des queutrues là. Pourquoi, il se passe quoi? Ah, vas-y, je me suis pris la tête avec un queumé, ça a failli partir en coup de bouteille dans l'appart. Là, depuis tout à l'heure, je regarde à la fenêtre, y'a grave des queumés qui arrivent, c'est, ils sont de plus en plus nombreux, et franchement, ramène des queutrues, vas-y, vas-y. Ça va partir en couille. Vas-y, vas-y, bouge pas, on arrive. Eh, hey, faites deux spies, ça sent le guet-apens grave là. C'est le son des regrets sales, fusillade des représailles. Désormais les refrais savent, dans ma rue les refrais s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat là c'est toute ma life. C'est le son des regrets sales, fusillade des représailles. Désormais les refrais savent, dans ma rue les refrais s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat là c'est toute ma life. 80 sur l'autoroute pour aller chercher les fusils. Dans la bagnole il faisait chaud, je brûlais les feux et les fusils. On était quatre dans la voiture et la pression rendait muet. Avec une seule question en tête, comment tirer sans les tuer. Retour au bloc, on cogite, on perd la boule. On est revenu pour faire la guerre, nous qui partions pour faire l'amour, ok. On se met d'accord, dans 5 minutes on se rejoint tous. Avec de quoi défourailler un ours. Sur le retour au téléphone, j'ai pu apprendre que ces bâtards étaient 50, que pour l'instant ils attendent. Ah ouais, puisque c'est ça, ils vont bien voir ces fils de pute. Les phares éteints parce que la guerre, c'est comment voir sans être vu. 3h20, ils étaient là, faisaient le guet à tour de rôle. Ils ignoraient qu'on les voyait se rassembler autour du hall. 3h30, cagoulés, munitions dans la sacoche. Fusil à pompe dans la main droite, petit portable dans la main gauche. Ouais, allô mon pote. Ouais, mon gros. Ouais, mon vieux, c'est moi. Ouais. Eh, hey, qu'est-ce que je veux dire? T'as vu là, on est en bas là? Ouais. Nous les mecs, on les voit, pépère, on a réussi à se cacher normal, ok? Ouais. Donc là, regarde ce qu'on va faire. Vous allez descendre. Ok. Et dès qu'on vous voit, on les allume direct, ok? Vas-y, ok, mon pote. Voilà, comme ça, vous montez direct dans les voitures, bam, et on se casse, ok? Vas-y, vas-y. Des regrets sales, fusillade des représailles. Désormais les refrais savent, dans ma rue les refrais s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat là c'est toute ma life. C'est le son des regrets sales, fusillade des représailles. Désormais les refrais savent, dans ma rue les refrais s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat là c'est toute ma life. Nous sommes sortis de la voiture et ça tirait dans tous les sens. Mais ça visait sur tous les jambes. Dans nos rangs était le cran, les armes lourdes et les voyous. Nos adversaires, ces amateurs, n'avaient prévu que des cailloux. Nous étions là, le sang plus chaud que les latins. Sous les rafales, ces fils de teint couraient plus vite que les lapins. Les condés se rapprochaient, il fallait mieux serrer les seuls. Dans la bagnole, on était neuf. Je me rappelle à cet instant, ça puait le keuf dans les parages. J'aurais tout fait pour être au libre, quitte à foncer dans un barrage. Je savais qu'aux yeux des juges, dans tous les cas, je serais en tort. Si la police m'avait pété, incarcéré, je serais encore. Il était l'heure de la prière quand nous avons rejoint les zones. Pierre de nous et sain et sauf, on s'est checké les uns les autres. À l'époque, j'étais si jeune, j'avais de respect pour aucune loi. Mais je voulais dire que je n'en tire aucune gloire. Je voulais dire que les erreurs me laissent souvent des regrets sales. Que dans la vie on passe trop vite de rigolade à représailles. Je voulais dire que pour ma part, ces embrouilles c'est toute ma life. Que le destin peut nous forcer à faire des trucs de fou malade. Je voulais dire que tous les jours, la banlieue c'est des maux de tête. Que si la mode c'est la violence, j'aimerais tellement être démodé. Je voulais dire pour finir que nos soirées ne sont pas les mêmes. Quand toi tu danses et tu t'amuses, moi je guette. C'est le son des regrets sales, fusillade des représailles. Désormais les refrais savent, dans ma rue les refrais s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat là c'est toute ma life. C'est le son des regrets sales, fusillade des représailles. Désormais les refrais savent, dans ma rue les refrais s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat là c'est toute ma life. C'est le son des regrets sales, fusillade des représailles. Désormais mais les refrais savent, dans ma rue les refrais s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat là c'est toute ma life. C'est le son des regrets sales, fusillade des représailles. Désormais les refrais savent, dans ma rue les refrais s'arment. L'auditeur fait oulala, mais quelle histoire de fou malade. Sorti tout droit de mon vécu, ce combat là c'est toute ma life. planète rap. 100% rap français. Salut Cynique. Salut. Merci de passer tard ce soir en nocturne. C'est assez marrant, depuis que j'ai dit que tu venais, il y a des tonnes de messages qui arrivent. Tiens, regarde là, c'est sur internet. Et une en particulier, posée par Haineux du 05, qui nous dit voilà, t'es blanc, tu fais des clashs, t'es un petit peu le Eminem français. Tu ressens quoi quand on te dit ça? Ça c'est le genre de question qui fait péter un plomb. Car je suis blanc, je suis bon, mais ne crois pas que je suis blond. Tu me parles des clashs, de son film et de son clip. Mais je me battais dans les battles quand Eminem n'avait pas lu son script. Je suis venu sans faire de pub, sans jamais faire de tube. Et tu me compares à un lascar qui traite sa mère de pute. Non, non, non. En plus, je suis pas du genre à parler vite. Le seul docteur que je connais fait des piqûres, pas des bites. Non mais attends, je voulais pas t'énerver. Mais t'es d'accord que si je reprends la première question, on peut pas s'empêcher de te comparer à lui parce que t'es blanc et parce que tu rappes. J'en ai marre qu'on me compare parce que je suis blanc, je rappe et j'écris. Si je raisonnais comme toi, tous les Chinois seraient Jet Li. J'habite en France, mon rap ne touchera pas les stages. Je m'appelle SINIK, j'exige qu'on me respecte. Ok, Cynik, t'en es maintenant à ton deuxième album. Ouais. Bon, le précédent, La main sur le cœur, a fait plus que disque d'or. Ouais. Tu fais des concerts, t'es en studio. Exact. Comment ça se passe? Les potes, le quartier, c'est toujours les mêmes habitudes, les mêmes regards? J'avoue, c'est plus comme avant. Des amis, j'en ai perdu tellement. J'aimerais tant remonter le temps. Mon équipe s'est réduite, j'ai trop la haine. Les fans ont remplacé les potes, est-ce que rapper en vaut la peine? Aujourd'hui on se voit moins, peut-être trois fois par an. Et je te jure que réussir tout seul c'est beaucoup moins marrant. Nostalgique de la galère entre poteaux. Parfois il n'y a qu'un pas entre un album et un album photo. Le destin a creusé un écart, comme si en baisant la musique j'avais trompé le tiécart. Je regrette tous ces fous rires alcoolisés. Aujourd'hui je traverse la mer à la rame en solitaire. Cynik, on va parler de Diams maintenant. Okay. Bon, Diams et toi, vous venez du même coin. Désolé. On dit que vous êtes potes. On dit aussi des trucs parfois qui sont très durs contre elle. Mm-hmm. Je voulais savoir si toi, tu étais touché par ça. Bien sûr. Et surtout, qui est-elle vraiment pour toi? Diams, c'est la famille, je l'ai vu défoncer les portes. J'ai pas attendu brute de femme pour être sûr qu'elle était forte. Je recevais ses lettres par kilo en cash. Quand mon poteau me faisait le coup du stylo en panne. Elle m'a trouvé, j'étais au fin fond du ghetto. M'a convaincu que vendre des albums, c'est mieux que du pédo. Une brute de femme, du flow des putains de faces. Tu parles mais toi aussi tu l'as kiffé la putain de vibes. Les Ulysses, mon shit, ma musique et mes amis. PS, n'oubliez pas d'ajouter Mélanie. À l'heure où les petites font du sur place. Le rap au féminin n'a qu'un seul place. Ok, bon là je pense que sur Diams on a bien compris. C'est la famille, on touche pas. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ta réponse. Tu me dis que Diams t'envoyait du courrier lorsque t'étais en prison. Et la prison justement, bah c'est pas la première fois que t'en parles. Moi j'ai lu des interviews, tu l'as évoqué régulièrement. T'en as fait un morceau, c'était D332 là sur ton premier album. Honnêtement la prison cynique, c'est ton fond de commerce non? Mais non, la prison j'y suis allé, je m'en souviendrai. Mais pas plus que ça, les journalistes en parlent plus que moi. J'ai vraiment pas besoin d'elle pour être crédible. Va dire à la critique que je préfère ma vie à celle de Patrick Dils. C'est tout ce que c'est qu'être enfermé par une bande de chiens. Se demander si la famille ne manque de rien. Alors j'en parle pour faire plaisir à Guillaume et Idriss. Pour les petits qui pensent que c'est mortel comme un hôtel Ibis. J'ai retranscrit pour m'encourager, voulant tout lâcher. J'en ai parlé pour me soulager. Les plus belles amitiés de ma collection. Que le maton nique sa mère, les concernés se reconnaîtront. Cynik, avant de te laisser filer, si on parle avenir proche, je dirais que c'est maintenant. T'es venu avec le nouvel album, à quoi il faut s'attendre? Cet album c'est mon enfant, le plus hardcore de mes projets. J'ai mis la barre trop haute, seul un avion pourra la décrocher. Que du lourd, des mélodies sorties du bloc. N'oublie jamais que le beat est le meilleur ami du flow. À mes yeux je reste vrai, sincère je le promets. Cet album c'est le deuxième, il est meilleur que le premier. Des menottes, un stylo et quelques potes. Bienvenue, ça commence par un piano et quelques notes. Et c'est fini pour la nocturne ce soir avec Cynik. On s'est fait un bon quart d'heure de Cynik qui débarque dès lundi entre 20 et 21. Il revient avec un nouvel album, un nouveau projet qui sortira le 13 avril prochain. On le découvre dès lundi, 20h-21h, rendez-vous avec Cynik. Passez une bonne nuit, un bon week-end, un long week-end. Lundi de Pâques, férié, j'espère pour vous. Sinon ceux qui bossent, courage à vous tous avec le son de la nocturne et le son surtout maintenant rap et R&B mixé par Fab qu'on dédicace. C'est parti, ciao. Du rap et du R&B non-stop. Skyrock, rap et R&B non-stop.